Fun Radio. Et voilà, bon, voilà, c'est celui-là. D'accord. Ouais. Ok, bon, bonsoir à tous. Donc, bienvenue pour les débats de la semaine. Ouais. Alors, Karine au standard. Merci. Alors, on a Karine au standard pour commencer. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Disons rebonsoir parce qu'on s'est déjà vu. Il va se présenter tout seul là-bas. Bah, Tony Melon. Hein? Tony Melon, comme la semaine dernière. Ah, Melon. Melon, d'accord. Voilà. Ok, ça ira plus vite. Aurélie, donc, sur le net, et Babouche à l'arrière. Bonsoir. Donc, on va saluer quand même tous ceux qui travaillent de nuit, donc les agents de sécurité. Donc, c'est un débat sur les agents de sécurité, les routiers, les chauffeurs de taxi, les infirmières. J'en passais des meilleurs, et puis bonjour à la poulette. Et voilà, donc c'est parti pour le débat. Alors, pour ça, on va accueillir Laurent Garnier, bonsoir, 118.6. Laurent Garnier, bonsoir. Allez. Allô. Babouche. Allô, Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Vigie Corsair, bonsoir, 101.9. Vigie Corsair, bonsoir Gérard. Tortue Générale, 104.8. Tortue Géniale, s'il vous plaît, bonsoir Gérard. Ouais, ben, je parle comme je peux, d'accord. Vous avez pas commencé à me chauffer le bourdon. On est déjà là. Il y a déjà 4 malades, alors 3 malades, alors je vous préviens, calmez-vous un peu derrière. Hein. Oh là, Gérard, okay. Et monsieur Mazur pour finir. Oui, bonsoir monsieur Gérard. Alors monsieur Mazur, je préviens tout de suite d'entrée. Oui. Que vous n'allez pas me gonfler avec des questions qui n'ont ni queue ni tête, d'accord? Monsieur Gérard, les questions c'est vous qui les posez. Non, mais les réponses, je veux dire. Les réponses, bien sûr. Les questions, elles auront toute une tête. Vous n'avez pas commencé comme ça, d'accord? Alors, oui, tout à fait. On commence, première question. Pam, pam, pam, pam. Et toi, tu vas commencer à te calmer, sinon tu vas dégager tout de suite. Et on a le fameux boum boum. Oui, on a le boum boum, ouais. Parce que on risque de s'en servir souvent ce soir. Question de monsieur Cousin. Comment? Comment? Bon allez Gérard, on y va. Comment c'est la première question? Non, mais je préviens tout de suite celui qui s'amuse à dire ça sur les trois. Là, sur les quatre, je vais pas chercher, je vais en choper un au hasard, hein. Alors, au standard, préparez-vous à avoir du répondant pour les auditeurs. Hein. Parce que ce soir, ça va gerber sec. Hein. Il a monté Gérard ce soir. Alors, que doit posséder un agent de sécurité et un maître chien pour exercer son métier? Un chien. Tu peux fermer ta gueule, toi? Juste un petit truc pour commencer. Voilà. Je te donnerai quand même un petit chiffre. On va commencer donc... pardon, excusez-moi. On va commencer donc avec à peu près 3533 personnes. De collectif. Oui, de collectif, voilà. Et puis on attend... pardon. Et donc on attend d'autres personnes. Hein. D'accord. Moi, je suis malade, j'ai une crève. Mais non, mais de manière, il y a au standard aussi, donc c'est la journée. Alors, monsieur Mazur. Oui, alors monsieur Gérard, pourriez-vous répéter la question, car il y a eu beaucoup de bruit, je n'ai pas pu entendre... Alors je préviens que je répéterai pas les questions 50 fois. Absolument. Tu dois posséder un agent de sécurité et un maître chien pour exercer son métier. Alors, est-ce que nous considérons, monsieur Gérard, parce que je ne m'y connais pas bien, est-ce que nous considérons que l'agent de sécurité et le maître chien sont la même personne? Est-ce le même métier? C'est deux travails différents. Faut pas confondre tentacule et encule ta sœur. Oui, à vos souhaits. Voilà. Je dirais, monsieur Gérard, qu'il faut, bien entendu, posséder un diplôme. J'imagine qu'un bac plus 6, c'est le minimum. Oh oui. On verra. Tortue de mes genoux, là. Alors, moi, je pense que il est nécessaire au maître chien d'avoir une laisse, une muselière, une bombe lacrymo. Et voilà. Non, mais attends, que doit posséder un agent de sécurité et de maître chien pour exercer son métier? Confonds pas, parce que tout à l'heure, tu m'as dégagé, vite fait, bien fait. Gérard, il a répondu à la question. Non. Bah, si, écoute. Bah, tu me demandes ce qu'il doit posséder. Qu'est-ce qu'il doit avoir pour exercer son métier? Pour exercer, un chien. Bah, je pense qu'il doit avoir... Bon, toi, avec les chiens, tu m'énerves. Bon, mais ça y est, là, toutes les deux, là, vous allez vous calmer ou quoi? Bah quoi, attends, le maître chien, c'est un chien? Qui c'est qui commande ici? Bah, c'est toi. Bon, bah alors, on la ferme. Sinon, on va vous amener des os à bouffer, hein. Je pense que le BEPC, ça suffira largement, Gérard. Hein? Hein? Le BEPC suffira largement. Bon, tiens, bah, toi, je crois que tu fais quoi sans indiscrétion comme boulot? Moi? Ouais. Je suis au chômage pour l'instant. Ah ouais, t'es au chômage? Oui. Merci pour le micro qui doit être éteint. Et je cherche une place justement de vigile, mais j'ai du mal. Parce ouais, bah, que j'ai pas plus que mon BEPC. Ouais, bah, surtout avec les conneries que t'es en train de nous dire, je vais te dire une chose, je crois que tu peux toujours te mettre le doigt où que je pense. Le débat, ouais, Gérard, le débat, on y va. Vigie corsaire. Oui, alors ça tombe bien parce que là, en ce moment, je suis au travail, je suis dans mon KGB de sécurité. Mmh. Et moi, j'ai comme ustensile une lampe torche. J'ai aussi des écrans de télévision pour justement voir si parce que j'ai des fois des petits soucis, il y a des petits je travaille dans une entreprise assez réputée dans la téléphonie et des fois il y a des petits sauvageons qui escaladent la barrière et qui viennent piquer des portables. Donc non, j'ai tout un attirail de caméras. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, moi j'ai tout à fait compris, hein. J'essaie de répondre. Je crois pas que je me suis bien fait comprendre lors de la question. Ah d'accord. Parce que là, pour l'instant, vous essayez de me faire chier. Ah non. Vous non. Essayez de casser le débat, mais vous allez pas le casser parce que c'est moi qui va vous casser la gueule. Ça va pas être pareil ce soir. Ouais. Je vous préviens. Déjà, Vigie Corsaire et Tortue Géniale. Pour l'instant, vous êtes deux cons. Alors je pense que je vais vous dire au revoir tout de suite. Alors attends, Gérard, tu vas pas. On n'est pas des cons. Mais attends, mais pas tout de suite, écoute. Allez, bon. Allez, hop là. Hop, terminé. Et pour replacer le débat un petit peu, il y a des gens sur le net qui se demandent ce que c'est finalement un maître chien. Il y en a un qui me demande, un maître chien finalement, est-ce que c'est un maître Jedi avec un chien laser? Non, c'est pas du tout pareil, les maîtres chiens. Et puis qui c'est qui pose cette question? Rodolphe Vagina, bah, à mon avis, il a rien compris. Hein. Non, il comprend, il doit pas comprendre, il doit pas savoir. Laurent Garnier pour terminer. Oui, ben moi je pense que ce soit un maître chien ou un vigile, je pense qu'il devrait posséder avant tout une maîtrise d'arts martiaux comme le Wu-Tang Clan ou le Wu Tang Clan. C'est important. Non mais attends, mais ah non, mais ce soir, mais qui c'est qui m'a choisi ça là? Mais j'ai un ami qui est ça. Non mais ça va là, mais c'est quoi là ces trois gugus que vous m'avez trouvé là? Quoi? C'est quoi ce bordel? Il y en a. Non mais attends, sur les trois, il y en a aucun qui répond. Mais s'ils répondent. Bon, attends, ils répondent à moitié. Alors ça va comme ça, hein. Ouais, il est à peine minuit moins 20, 1h moins 20, on commence déjà avec mais, un. Gérard, tu vas pas commencer à gueuler, vas-y. Mais non, c'est bon, toi, tu vas la fermer, toi, espèce de babouche. Non mais rigole pas, non. Ça commence à bien faire là, hein. Bon allez, on y va. Bon alors Laurent Garnier, toi. Allô. Oui, ben je disais qu'il faut maîtriser les arts martiaux. Ouais, bon, à mon avis, vous. Eh mais putain. Eh ben, attends, mais c'est sérieux, que doit posséder un agent de sécurité et maître chien pour exercer son boulot? Je vous demande pas s'il doit faire du sport. Eh ben, il doit disposer un chien. Il doit. Oh putain, mais tu vas me laisser parler maintenant que je réponde. Vous n'avez pas été capable de répondre. Calme-toi. Putain, mais vous commencez à me brouter là. Hein. Dès les premières questions, ça y est. Alors un agent de sécurité pour toi, Laurent Garnier et Monsieur Mazur, parce que Monsieur Mazur il a dit à peu près la réponse. Il est toujours là, Monsieur Mazur? Oui, tout à fait, Monsieur Gérard. Alors si Laurent Garnier t'avait bien écouté ce que Monsieur Mazur a dit, eh ben je pense que t'aurais pu continuer. Ouais. T'es quand même pas con. Alors maintenant je vais terminer, je vais finir pour Monsieur Mazur qui était bien parti. Donc pour la question, donc il doit avoir un diplôme agréé par la préfecture de police ainsi qu'une formation pratique. Donc tu vois que c'est pas du tout avec ton truc d'arts martiaux. Donc tu vois que t'es vachement loin, hein. Je sais pas, je trouvais que c'était mieux si maîtrisait le Wu-Tang Clan comme sport. Ah ouais. Non mais faut déjà avoir une formation et faut posséder un diplôme, parce que tu peux pas être maître chien et agent de sécurité si t'as pas de diplôme et si tu fais pas une formation pratique. Alors bon, j'ai appris quelque chose grâce à toi ce soir, Gérard, je dormirai un peu moins bête, merci. Ah bah de toute manière tu finiras moins con dans la vie, c'est peut-être ça aussi. Allô, bonsoir. C'est qui? On accueille Didier aux aguets. J'appelle de Crevard sur Brancard, 101.9. Bonsoir. Il sort d'où celui-là, Karine? Oh oui, allô, oh bonsoir, oui, bonsoir. Et sors d'où, là? Oui, bonsoir, monsieur Ozaki. Au lieu de t'amuser avec... Mais tu prenais son standard, t'éteins ton micro, et il sort d'où, lui? Il sort d'où, la crevard? Elle va avec elle. Mais attends, t'es là pour quoi faire, toi? Pour te regarder. Non, bah alors tu dégages. Allez, hop, hop, dehors. C'est pas la peine de venir travailler ici, c'est de venir dans mon équipe si c'est pour te branler les couilles, hein. Allez, hop, terminé. Écoute, je crois que... Allez, hop. Là, Simon, c'est bon. Ah, c'est bon, comme cassé, cool. Voilà, comme ça, ça va aller plus vite. Hein. Bon, Gérard, la suite du débat. Alors, on y va. Qui c'est qu'on a d'autre à la place de Vigie Corsaire et Tortue Géniale, là? Karine, oh là, ça fait à quoi je m'appelle? C'est bordel, là. Ils sont toujours là. Oh là là. Non, on les a virés. Attends, on va pas commencer à virer les gens. C'est moi qui commande, j'ai dit qu'ils étaient virés. Ça fait 10 minutes que le débat a commencé. Je ne veux pas savoir. On va pas commencer à virer les gens. C'est moi qui décide. Non, mais d'accord. Des fois, il faut que tu te raisonnes. Déjà, c'est moi qui commande, donc je les ai virés, c'est tout. Voilà. C'est tout, c'est moi qui commande. On leur a dit au revoir, terminé. Allez, hop. Maintenant, tu me trouves d'autres personnes et vite fait, bien fait. On a la mère Michel. Qui a perdu son chat, c'est ça? Bah, en tout cas, elle est là. Salut, c'est la mère Michel. Eh, hey, mais encore plus de musique. Y a pas de musique chez moi. Elle l'arsène. Y a pas de l'arsène non plus. Allô? Ah bon? Oui. Bon, alors, mais t'appelles d'où, toi, la mère Michel? Paris. Paris, 101.9, merci. Alors, donc, mère Michel. On a Laurent Garnier. Oui, c'est moi. Donc, monsieur Mazur. Oui, monsieur Gérard, toujours là. Et donc, mère Michel. Et toi, l'argole! Bon, c'est bon, là, hein? Attends. Bon, allez, Gérard. Oui. Alors, deuxième question. Un agent de sécurité doit-il... Je passe pas. Vas-y, Gérard, vas-y. Eh, oh! Tu passes... Eh, toi, si tu passes pas, tu restes où que t'es, d'accord? Mais si tu passes. Non, mais attends, la mère Michel, là. Oui? T'es avec qui, chez toi? Super, c'est avec personne. Avec son chat. Parce que c'est bizarre, y en a un derrière qui dit je passe pas, moi. Bah, moi, je serais pas avec les perlus, tu crées mère Michel, par hasard. Laurent Garnier, ça suffit. Pardon. D'accord. Allô. Allô, ouais. T'es là. Oh le bordel. Tu vas bien, Attends, t'inquiète. Moi, Il y a un problème. Je te conseille. Il n'est pas à l'antenne et vous l'entendez. Ouais, alors donc. Le locabiotal. C'est bon, ça, pour la muscoviscidose. Eh, tu fermes. Il y a un problème. Eh, non, mais tu fermes ta gueule, toi, l'auditeur, là, ou quoi? Je suis hors antenne. Je te rappelle. Il est hors antenne, on l'entend pas, hein. Non, mais si, on l'entend parce qu'il est sur la ligne. Moi, je l'entends pas, il est rentré. Non, mais maintenant, ça y est, il a raccroché au nez. Gérard, on y va? Alors, un agent de sécurité doit-il posséder un uniforme ainsi que le maître chien? On va demander à la mère Michel. Oh là là. Karine, bah alors, qu'est-ce que tu fous? Mère Michel. Alors, les maîtres chiens, ils ont un costume. Ouais. Un peu militaire facho. Les agents de sécu, ils ont un costume ou pas? Bah, en principe, oui, hein. Bah, non, mais des fois, faut pas qu'on les voit. Par exemple, les agents de sécu dans les supermarchés. Mais bah, tu les vois. Non, je comprends. Ouais, d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais de toute manière, pour ceux dans les supermarchés, c'est. Attends. Là, attends. On va revenir après sur ta question. On va revenir après sur ta question. Monsieur Mazur. Oui, eh bien, écoutez, je dirais qu'effectivement, afin que l'on puisse reconnaître facilement ces personnes, et chercher leur aide au cas échéant, je dirais qu'il est bon effectivement qu'ils se vêtissent d'une certaine panoplie, n'est-ce pas? D'accord. Laurent Garnier. Oui. Ah oui, comment quoi, bah, et moi je pense qu'un vigile pour avoir quelque chose comme un gilet pare-balles, ça pourrait être utile. Et puis pour le maître chien, bah oui, un uniforme normal. Parce qu'il en a pas besoin, si jamais il y a une balle qui arrive, hop, il met le chien devant, hop, il craint rien. Ah ouais, d'accord. T'es vraiment con, toi, hein. Il a jamais vu. Bah non, je sais pas. Je crois que tu dois trop regarder de films à la télé ou qu'il y a des maîtres chiens qui mettent leur chien devant pour éviter de se faire tuer. Alors, je crois que t'as vu ça. Alors, bah, Laurent Garnier. Tu sais, comme t'es bien gentil puis que t'es un peu con, eh ben, je te dis au revoir. Monsieur Gérard. Oh, on peut le laisser. Oui. Non. C'est la première fois qu'il passe à l'antenne. Je veux pas le savoir. On peut le laisser. Non. Bon, d'accord. C'est trop Gérard. Je veux pas le savoir. Mais non, mais là, tu fais trop ton caprice. Non, tu travailles, c'est tout. Mais non, mais tu fais c'est trop tout. Le mec, attention, je dis. Tu travailles et tu te tais. Bon, Gérard, allez, s'il te plaît, la suite du débat. Bon. Attends, on a Simon. Ça va, Gérard? Ça va, Simon? J'ai pas eu le temps de vous dire bonsoir. Une question IRC, tout de suite. C'est une question de seigneur qui demande si on a un problème de feuille de sécu, est-ce qu'il faut s'adresser à un agent de sécu? Putain, mais il est complètement con. Hein, sa question, tu peux lui dire que sa question... Bah, vas-y, dis-lui. Sa question n'a ni queue ni tête, elle est comme lui. Voilà. Bravo. Bravo, Gérard. Voilà, monsieur Mazur. Tu disais... Une question, je voulais savoir, par rapport aux idées parbales, ouais. J'ai entendu dire qu'il en existerait pour les chiens des maîtres chiens. Confirmez-vous? J'en ai pas encore entendu parler. Je sais pas d'où que vous sortez cette info. Ah bah écoutez, c'est quelque chose que j'ai lu dans un magazine. Ah mais moi j'en ai jamais entendu parler. D'accord. Donc pour revenir sur la question à la mère Michel là. Mm-hmm. Donc alors toi tu me parlais des trucs dans les supermarchés, c'est ça, hein? Les vigiles. Donc faut bien dire une chose que là. dans les supermarchés. Attends, on va accueillir. Oh là là. Non, non, mais attends, on va accueillir Didier au quoi? Didier aux aguets. Didier aux aguets et Gagu petit oiseau là. petit oiseau votre belle gomme. Ouais ben. Et bonsoir, Gérard, c'est Gugu. Ouais, Gugu, bonsoir. Bonsoir, Gugu. Bonsoir, oui, bonsoir, monsieur Gugu. Bonsoir, monsieur Mazur. Et puis, il y a monsieur Mazur. Voilà. Donc, le truc est au complet. Donc, bonsoir, alors. Bonsoir, monsieur Mazur. Oui, bonsoir, madame. Donc, ça y est, les bonsoirs. On a compris. Maintenant, on arrête. On écoute tout ce que je dis. Ouais. D'accord? Donc, pour répondre à la mère Michel, donc, pour les histoires d'agents de sécurité que tu me parlais dans les grandes surfaces, c'est ça, hein? Cousin. Le cousin est en merde, d'accord, toi? Parce que tout à l'heure, il va te piquer mon poing dans ta gueule et tu vas voir comment qu'il va te faire. Bravo, Gérard. Ouais, celui-là, ouais. Tu vas le sentir. Cousin. Ça, c'est de la répartie de killer. Celui-là, j'en connais tout à l'heure qui vont morfler. Donc, pour répondre à la mère Michel, parce que je vais pas m'éterniser là-dessus, donc, oui. Pour l'histoire des agents de sécurité, les vigiles, là, que tu me disais dans les grandes surfaces. Mm-hmm. Donc c'est les grandes surfaces qui leur demandent de venir habillés comme ça. Mais c'est vrai que normalement ils devraient avoir une tenue qui est réglementée donc par la société de gardiennage avec le badge. N'importe quoi. Genre, si. D'ailleurs ils ont souvent un imperméable. Mais attends, je vais te dire une chose que je le sais. Parce que j'ai déjà travaillé dans des grandes surfaces et j'étais obligé d'avoir la tenue avec l'uniforme et avec le badge. Monsieur Gérard, une question, s'il vous plaît. Et alors, t'as qu'à aller. Tu vas au champ, ils ont un badge. Tu vas à Leclerc, ils ont un badge. Est-ce que t'as ton diplôme? Karine. Merci. Monsieur Gérard, une question, s'il vous plaît. Oui, monsieur Mazur. Je voulais savoir concernant justement l'uniforme des agents de sécurité. Y a-t-il des modèles en queue de pie? Non. Une soirée mondaine? Non, mais monsieur Mazur. Oui. Vous arrêtez de me poser des questions qu'on n'y que ni tête. Ah, c'est crade, hein. Ah non, absolument. D'accord. Pas. Je vous assure, dans le cadre de soirées mondaines, telles que cela a été évoqué à l'instant, il est tout à fait possible que ces personnes fissent un effort. Alors donc, pour la question, donc, c'est doit-il posséder un uniforme, là, ainsi que le maître chien, donc c'est oui, c'est tout. Donc pour les grandes surfaces. Je suis pas d'accord. Eh ben si t'es pas d'accord, eh ben tant pis, tu prendras la réponse que je te donne. C'est vrai, c'est tout. Cousin. Ta gueule. C'est vrai, Gérard, que dans les supermarchés, ils utilisent quand même une tenue camouflage, hein, un peu passe-partout. Ouais, non mais attends, c'est qui vient de dire ça? C'est Gugu, petit oiseau, bubblegum. Ouais ben un bubblegum. Oui. Hein, avant de dire des conneries. Au standard là, s'il vous plaît, vous merci. Ah mais je dis pas de conneries, mon frère est agent de sécurité chez Champion. Ouais d'accord. Ça y est là, c'est bon là. Vous arrêtez de régler vos comptes en direct. Vas-y Gérard, vas-y. On continue. Alors, troisième question et après on va la poser puis on va s'écouter un disque hein, pour remettre un peu les idées en place. Encore, vas-y, jusqu'à moins 5. Ouais, moins 5. Jusqu'à moins 5. Tu fais ta question, réponse et puis après... Alors, quels sont ces uniformes pour les agents de sécurité, les maîtres chiens? On m'a demandé à Bulgum, là, qui a une grande gueule. Oui, c'est Gugu. Alors, l'uniforme, tout d'abord, il y a le treillis, le fameux treillis. Précise pour qui? Pour le maître chien. Ouais. Avec des poches, donc, sur les côtés. Pouvoir mettre certains... Une canette. Voilà. Une tisse. Mère Michel, tu te calmes ou sinon je vais t'envoyer voir au standard si j'y suis. Donc certains ustensiles comme des couteaux, des pistolets à grenaille. Oui. Je te demande. Je te demande pas ce qu'ils mettent dans leur poche. Ils ont même des appos pour chiens parce que des fois ils les perdent. Bon. Alors Didier, tu vas fermer ta grande gueule ou sinon je vais te dire au revoir. Oh, je te parle, Didier. C'était pas Didier, hein. Alors je vous préviens, vous allez vous calmer maintenant parce que ça commence à me gonfler sérieusement. Ah non, on est tout à fait calme. Ok. Non, mais... Alors, Belgam, tu réponds à la question correctement et vite fait, bien fait. Alors, vite fait, bien fait, donc un treillis, des Rangers et un gilet, pas tout à fait comme les tiens, mais un gilet un peu plus sophistiqué avec plus de poches, toujours. Mmh. Et bien sûr, une laisse pour le chien. D'accord. Des fois, il y a des cagoules aussi. Oh, pardon, excuse-moi, j'ai pas vu. Ah, c'est... Et puis vous prenez des gens standards parce que je vois du monde là. Gérard, le débat. Dès que je vire. Parce que là, ça commence à bien faire ce soir, hein. Monsieur Mazur. Eh bien, écoutez, effectivement, c'est un uniforme qui est tout à fait fonctionnel afin que l'on puisse y ranger et avoir à portée de main différents objets inhérents à cette profession, n'est-ce pas? D'accord. Didier Ozagué. Ouais. Alors, il y a, moi, je vais commencer par le haut. Alors, déjà, il y a la casquette police. Ensuite, il y a le Bombers. Ben, je peux dire la marque ou pas du Bombers? Non. Ok, le Bombers sans marque. Il y a un treillis, je suis d'accord avec le précédent auditeur. Et puis, il y a les bonnes vieilles Ranjo quand même. Hein. Ok, Mère Michel, pour finir. Écoute, je pense que le tour de la question a été fait, donc j'ai rien à rajouter. Effectivement, ils portent des Rangers, un uniforme et une casquette. Il faut rajouter la ceinture avec la boucle de Cowboy. Non, mais hey, c'est bien parce que vous me parlez tous du maître chien, mais de l'agent de sécurité. Vous l'avez. Non, justement, faut pas confondre les deux. Moi, il y a un manque de poste. Je m'y attendais à la connerie que vous allez me faire. Rien à voir. Mais il est en costume, l'agent de sécurité. L'agent de sécurité, il est avec une chemise blanc ou bleu. Voilà. Ok. Oui, pas de marque. Non, c'est t-shirt noir. D'accord. Un blouson, un pantalon de treillis et une paire de rendières, c'est pour l'agent, l'agent de sécurité. Tu fermes ta gueule, la mère Michel, s'il te plaît, merci. Pour l'agent de sécurité, c'est un trois quarts cuir aussi. Et toi, Stéphane, demandé quelle heure il était. Pour l'instant, je t'ai dit de prendre du monde. Quand même. T'as pas dit quelle heure il est, hein. Bon, c'est bon, toi, tu te tais, toi, le chien, ouais, là-bas. Allez, Gérard, on y va, là. Et pour l'agent de sécurité, c'est une chemise blanche, bleu ciel, une cravate, un pantalon gris ou noir, des chaussures noires et l'insigne de sécurité. Donc, c'est pour ce que j'avais dit tout à l'heure. Ah, Gérard, bravo. Tu as déjà fait l'agent de sécurité? Bah, bien sûr, sinon, je te dirais pas comment qu'on s'habille. Ah, d'accord. T'as fait ça où? T'as fait tout ça dans un supermarché? Non, devant les banques. Manque de peau. Ah bon? Il faut préciser qu'il portait des strings roses et des pantalons aussi. Et ta mère, elle porte quoi, elle? Ah, oui, monsieur Gérard. Monsieur Gérard. Oui, monsieur Mazur. Oui, c'est-à-dire, j'imagine, à l'entrée de votre radio, il doit bien y avoir des agents de sécurité ou des maîtres chiens. Eh ben, ceux d'RTL, ils sont habillés avec le truc RTL et c'est tout, ils n'ont pas d'insigne. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a un uniforme différent pour chaque établissement. Eh ben voilà, c'est ce que je viens de dire depuis tout à l'heure. Bah, tu nous certifies que l'agent de sécu, il a une chemise blanche ou bleue. Eh non, mais de manière, mais tout à l'heure, je t'ai posé... Punaise, mais vous allez vous ouvrir les neurones, là. Les neurones. Putain. Non, mais j'ai compris ce que tu dis, mais tout à l'heure, tu disais que c'était pas vrai. Moi, je te disais qu'ils pouvaient t'habiller... comme on leur demandait. C'est sur la question, un agent de sécurité doit-il posséder un uniforme ainsi que le maître chien? Tu m'as dit non. Monsieur Gérard, est-ce que l'agent de sécurité achète-t-il ses affaires lui-même? Normalement, l'agent de sécurité, normalement, non. D'accord. Mais il se peut que si la société ne peut pas fournir, il se peut qu'il aille ailleurs pour avoir les affaires. C'est rare qu'il les achète. Bon, ça c'est ça. Par contre, pour revenir à la question à Monsieur Mazur, les tenues qu'ils ont, après ça leur est retenu sur la paye, hein, c'est ça qu'il faut voir, hein. Oui, et alors justement, les lavent-ils eux-mêmes? Ah oui. D'accord. Oui, c'est eux qui les lavent eux-mêmes, les affaires. Bon, hein. Gérard, on fait une pause? Ils les lavent pas eux-mêmes, il y a le pressing aussi. Ouais. Non, mais d'accord, c'est interdit, parce que justement, sinon ils vont les détériorer. Ouais, aussi. C'est une agence spéciale qui les lave. C'est eux-mêmes qui les lavent, c'est moi qui les lave les miennes. Alors je sais ce que je dis. Parce que toi, c'est toi. Bah toi, tu détruis tout, toi. C'est pour ça qu'on t'appelle la chienne. Voilà. Gérard. Alors, un agent de sécurité ou maître chien doit-il posséder une arme? Et on se retrouve après avec, on s'écoute, Didier de la paix, matraque ton bidon. Regarde tout de suite au 0800 25 08 5000. Ce soir. Les débats de Gérard Fun Radio. Vous arrêtez de vous fendre la gueule derrière parce que tout à l'heure ça va. J'en sois pas au hasard. L'émission la plus trash de la bande FM. Eh, hey, tu parles encore plus fort, je comprends pas, espèce de con. Fun Radio. Et voilà, rebonsoir à tous. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0825-08-5000 et pour les Belges, 0-33-0800. Karine, le numéro des Belges, parce que je l'ai pas en tête. S'il te plaît, merci. 0-0-33-825-08-5000. Et donc, c'est temps de l'apprendre. Ouais, ben, j'ai pas d'ordre de recevoir de toi, d'accord. Toi, tu fais déjà le boulot que je te demande, après, on verra. Et donc, sur le net, il y a Simon, donc, un petit tour sur le net. Alors, on ne présente pas, alors, hein. Mais c'est bon! Ouais, je fais pas les présentations 50 points. Ouais, mais quand même. Bon, ben, y a, vous avez Karine et Aurélie. Voilà, les merci. Les deux chiennes. Voilà, comme voilà, ça. Voilà, merci. Voilà, comme ça, ça va plus vite. Donc, un tour, un coup de point sur le net. Gérard, avant le disque, on était à 5612, après le disque, 4940. Donc, visiblement, ils attendaient que tu reviennes. Donc, il va falloir y aller, là, Gérard. Presque 5000. J'ai deux petites questions. Une question de Pin de Lapin. As-tu de bonnes relations avec les vigiles des parfumeries? Dans les parfumeries, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu de vigile. Ah si. Non, de quel côté? Bah dis alors, vas-y. Bah juste à côté, il y a une grande parfumerie. Tu vois pas les agents de sécurité? Ben c'est, ouais, je vois. Ça commence par C, ça termine par Fora. Ouais, ouais, bah je vois ce que c'est à côté là, le truc de machin. Ouais, je connais. Alors, merci. Ça se passe bien avec eux ou pas? Ils te laissent entrer ou? Tu peux les essayer. Non mais j'ai pas vu. Non bah c'est si bon. Ce serait bien pour ça y est, c'est bon. Qu'on continue sur le net. Deuxième question, Monsieur Pifpaf demande si en Chine les maîtres chiens mangent leurs chiens quand ils ont faim. Voilà, je vais te dire l'autre, je sais pas ce qu'il me pose comme question, mais vraiment, là, je peux pas y répondre. Hein. Ah bah voilà. Donc voilà. Merci Gérard. Y a pas de quoi. Donc, à tout à l'heure. Ouais, ben si t'as d'autres informations, t'hésites pas, hein, t'attends pas que je te le demande. Hein, y a pas tout. De problème. Bon, par contre, je peux pas vous donner les stats parce qu'on les a pas, hein, donc voilà, malheureusement. Donc on devait les avoir, puis apparemment c'est pas bon. Non, mais en fait, sur le net, y a rien d'intéressant. Ouais, mais ouais. Normalement, j'aime bien avoir les trucs quand je travaille, parce que je peux pas travailler comme ça. Voilà, c'est tout. Ouais, tant pis, ouais. Donc pour les prochains débats, ben j'espère que ça sera fait comme je demande, et c'est tout. Et pour ça, on récupère la mère Michel. Oui, bonsoir tout le monde. Didier aux aguets. Bonsoir. Gaillu, le petit oiseau bellegomme, là, je sais pas quoi. Ouais, bonsoir Gérard. Tu disais tout à l'heure, maître chien, tout ça, que toi, t'as été agent de sécu avant. Non mais c'est avec ton chat ou... Bon alors, bellegomme, au revoir. Avec le petit chat câlin. Au revoir, comme ça va déjà plus vite, ça commence déjà bien. Et monsieur Mazur pour finir. Oui, chers amis, c'est bonsoir, bubblegum. À la place de bubblegum, on a professeur Broutignol. Quoi? Professeur Broutignol? Alors, professeur Broutignol. Bonsoir, monsieur. Hello, bonsoir, Broutignol. Bonsoir, professeur. Bonsoir tout le monde, bonsoir professeur Mazur. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir monsieur Broutignol. Bonsoir. Bon, allez, on continue. Donc la question, un agent de sécurité ou maître chien a-t-il le droit de posséder une arme? On demande à la mère Michel qui a perdu son chat. Non. Voilà, bah c'est bon, bah oui. Bah oui, bah ok. Voilà. Didier Ozaguet. Non plus, je pense pas qu'ils aient nécessairement besoin d'une arme à feu, étant donné que déjà ils sont équipés avec des chiens, quoi. Il n'y a que les policiers et les gendarmes qui ont le droit d'avoir des flingues. Pour l'instant, c'est un débat sur les agents de sécurité. Oui, mais je te dis pourquoi, en fait, ils n'ont pas le droit, il n'y a que les policiers, les agents qui ont le droit d'avoir des armes. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec la rumeur populaire qui dit, Gérard, que en fait, les vigiles et agents de sécurité, ce seraient des gens qui n'auraient pas réussi dans la police? Non, mais attends, déjà, quand on est poli, ouais. C'est professeur Broutignol, là. Non, c'est Didier. Ah non, c'est pas moi. Hein. Didier Ozaguet. Ouais, bah Didier Ozaguet, quand on est poli, ouais. Hein. T'attends, je t'ai demandé ta question, donc je t'ai demandé ta réponse, t'as répondu. T'aurais pu attendre que Monsieur Mazur et le professeur Isaac, t'aurais pu me dire ce que tu voulais dire. D'accord. Il finissait parce que je l'ai coupé, en fait. Alors, donc tu disais quoi alors, Didier Ozaguet, avant que les deux autres y parlent? Je disais qu'il y a une rumeur populaire qui traîne là en ce moment, qui dit qu'en fait les agents de sécurité et les vigiles, ce seraient des gens qui auraient été recalés aux examens de police. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Et c'est une rumeur que t'as entendue, d'où ça? C'est une rumeur que j'entends un petit peu partout. Hein. Ah ben c'est faux, de toute manière. Sur RTL. Ouais, mais c'est ça, professeur Broutignol. Professeur, moi, j'ai rien dit. Je voyais pas. Ouais, ta gueule, toi, derrière, avec tes jouets, pas, parce que tout à l'heure, je vais faire jouir mon pied dans le cul avec une matraque. Monsieur Mazur! Oui, alors, justement, ça tombe bien que vous en parliez. Je pense que les agents de sécurité sont habilités à porter une très, très grosse matraque pour compenser, bien entendu. Mmh. Ouais. Et professeur, Broutignol? Oui, et ben, c'est clair, je les ai vus avec des matraques. Retire tes doigts de donner, parce que moi, j'ai le père, d'accord? C'est pas très gentil. Moi, je parle comme là. Ça, c'est pas ma faute. Hein. Bon, bah, tu parles correctement ou tu vires? C'est ma voix, qu'est-ce que je peux y faire, moi? Bah, t'es vraiment un tremblot, allez, dégage, au revoir. Allez, dégage, arrête, dégage. Il a des problèmes. Je vous préviens que si ça continue comme ça, dans moins d'une demi-heure, j'arrête. D'accord? Alors, ça commence à bien faire. C'est dommage, c'est un débat de fond, là. Ouais, ben, vous allez voir comment que ça va se passer aussi. Poursuivez, monsieur Gérard, c'est un excellent débat, poursuivez. Parce que ça va pas se passer comme ça tout à l'heure, hein, Gérard. Je vous préviens. Gérard, sur le net, Pine de Lapin, à nouveau, me demande s'il faudrait pas mettre des vigiles au standard pour filtrer les abrutis. Ouais, je pense que si, parce que mettre des nanas au standard, il va falloir y penser. Ça devient grave, hein. On va en mettre à la porte du studio aussi. Ouais, non, non, mais il n'y a pas besoin d'en mettre à la porte du studio, il y a besoin d'en mettre pour filtrer les aboutis qui appellent. Parce que là, à mon avis, c'est un jeune branleur que vous m'aviez pris, hein. Ouais, apparemment, on s'est fait un petit peu avoir. Ouais, hein. faut gérer, hein. Parce qu'on va pas continuer comme ça toute la soirée, hein. Je vous le dis, moi, sinon, moi, à 1h30, moi, je plie les bagages, hein. Mais non. Moi, ça va aller vite, hein. Gérard, mais non, on les reste quand même. Prochaine question, là. Bon, envoyez, prenez du monde, là, envoyez-moi d'autres personnes, là. On accueille Dog Master. Qui? Dog Master. Bonsoir. Dog Master, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Dog. Bonsoir, Dog Master. Bonsoir. Donc, tu veux répondre à la question, mais de toute manière, tout le monde a dit non, alors donc, c'est plus la peine maintenant. Oui, je vais dire non aussi, parce que j'ai entendu. Ah, non, et puis déconne pas, Et celui qui s'amuse à ça et qui est bourré, il va raccrocher, mais à un coup de pompe dans le cul. Bah, c'est pas toi, Gérard, qu'on entend. Non, et puis déconne pas. C'est toi, ça, Gérard. Il est complètement bourré, on dirait. Eh, je voudrais bien savoir d'où qui te sort ce qu'on a. Ah, pauvre con, va. Oui, Gérard, c'est Dog Master. Il jouait pas. Bon, alors, Dog Master, tu voulais dire quoi? Ah bah non, je voulais dire non, tout simplement. Non mais attends, tu me demandes de la parole, tu veux dire quoi? Ah non, j'ai pas entendu la question, moi, c'est... Il éjaculait pas. Oh là, putain, vous commencez à me casser les couilles sérieusement ce soir. T'as même pas de poids, là, ta teube. Ça commence à bien faire, celui qui s'amuse à faire ça. Question de monsieur Cousin. Alors, je préviens tout de suite. Ah là, il faut prévenir. Attention. Là, apparemment, ça part en... Je préviens que si je rentends un truc comme ça, je vire tout le monde, je mets un disque et je me casse. Oh, c'est pas gentil, ça. C'est clair. C'est pas la meilleure des solutions. C'est clair, net et précis. Au standard, vous êtes prévenu que si je rentends un truc comme ça, je balance un disque et je me casse. Le débat, il sera terminé. Gérard, poursuivez votre débat, il est passionnant. Franchement, enchaînez la question et... Alors, j'en étais où ? Doivent-ils être assurés ? Et de quelle manière ? Donc, pour les agents de sécurité et maîtres chiens, est-ce qu'ils doivent être assurés ? Et donc, est-ce que les maîtres chiens et les animaux doivent être assurés ? On fait les deux questions en même temps. Eh bien, oui. Alors, monsieur Mazur. Eh bien, je dirais oui, tout à fait. Et j'ajouterais même au tiers plus vol. Au tiers plus vol ? Oui, absolument. Et bris de glace. Ouais, mais ça a rien à voir, c'est pour les voitures. Ah non, pas du tout, monsieur Gérard. Non, mais je parle à la mère Michel, parce qu'elle disait aux briques glaces aussi. Ah oui, aussi, d'accord, bien sûr, oui. Les collisions, c'est le chien est myope. Didier, c'est Didier, je voudrais répondre à la question. Non, mais Didier, tout à l'heure, tu vas être myope d'une drôle de façon que tu vas même pas répondre que je te dis au revoir. Bon, pour répondre à la question. Au revoir. Mais non, mais je veux répondre à la au question. Au revoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au revoir. Voilà. Ah, déjà, t'es tout le monde comme ça. Je m'en fous. Alors, Doc Master. Ah bah écoute, oui. T'appelles d'où? Oui, j'appelle de Saint-Barthélemy. La fréquence 101.1. Ok, donc vas-y. Ouais, bah écoute, moi je pense que oui, il doit faire assurer. Une assurance vie, tout d'abord. Pardon? Et une assurance contre la connerie, parce qu'ils doivent avoir beaucoup de cons décidés dans la journée. Alors, des cons comme, avec un con comme moi, on s'amuse avec un con comme ça, on s'achète, et moi je t'encule et tu t'en vas. Calme-toi, Gérard. Au revoir. Gérard, du calme. Vous êtes vulgaire, monsieur Gérard. Voilà, ben, terminé, Dog Master. Gérard, il y a Karine qui m'a parlé depuis tout à l'heure. Bah ouais. On accueille Bébert. Bébert. Directement. J'ai le bonjour de Bébert ou pas? Oui, bonsoir. Bébert, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. T'appelles Bébert. Bonsoir. C'est Bébert. Bébert. Bébert, t'appelles d'où? J'appelle de Vaulvillain. C'est la fréquence 101.7. Putain, mais quand je vous demande les fréquences, vous vous dépêchez. Puis-je répondre à la question sur les assurances? Tu laisses la mère Michel répondre avant toi, puis tu parleras. Ok. Eh bien, concernant les assurances, je pense qu'il est, comme dans tout métier, il faut être assuré. Donc voilà, quoi, il faut qu'il soit assuré. En plus... peut-être au niveau, tu vois, s'il blesse quelqu'un ou si le chien n'y a quelqu'un, peut-être qu'il faut une assurance en plus. Ouais, s'il mord quelqu'un, tu veux dire, c'est ça? Le chien. Ouais, non, mais je vois, je vois bien pas le maître, hein. Je pense pas que le maître va s'amuser à mordre quelqu'un, hein. Bah, on sait jamais, hein. Mmh. Ok. Bébert. Oui, bah déjà, chez les bébères, nous, on est vigile de tu réponds correctement à la question, on n'en a rien à foutre de ta vie, d'accord? D'accord. Donc on est vigile de père au fils. Et, j'en ai rien à foutre, je te dis. Effectivement, on a souscrit. Bon, alors dégage, allez, va pas enculer. Allez, dégage. Les grosses têtes avec Gérard Cousin. Gérard, s'il te plaît, tu veux pas te calmer un tout petit? Non mais ça commence à bien faire là. Gérard, calmement. Hein, ça commence à bien faire. C'est bon, Gérard, calme. Arrêtez de me prendre des cons. D'accord. Mais non, mais arrête, Gérard. On va arrêter de prendre des cons. Je suis vigile. Mais essaye de pas les trouver. Mais au revoir. Arrête. Essaye de pas les trouver trop cons, toi non plus. Non, mais attends, l'autre, j'ai pas demandé de me raconter sa vie. Mais il était vigile, c'est important d'avoir une vigile. Je t'ai dit au revoir. Ça y est. Je l'ai fait taire à jamais. Gérard, du calme. Il est mort. Laurence Tortellini, 92.2. Laurence. Correct. Bonsoir, Gérard. Oui. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir mademoiselle Tortellini. Bonsoir. Faux. Hey, hey, qui c'est qui m'a choisi ça là? C'est le maillon faible. Correct. Je sais pas du tout. Hey. Je crois qu'il y a une erreur avec le standard. Il y a des gens qui arrivent qui s'incrustent là-bas. Mais non, mais... Hey, il sort d'où celui-là? Il passe par satellite. Ça sort d'où ça? Laurence, là, c'est un mec. C'est quoi ce bordel là? Ah oui, mais non, mais attends, c'est mon prénom, c'est Laurence, tout à fait. C'est un prénom anglais. Ouais, mais c'est Laurence. Laurence, j'appelle d'Angleterre. Ouais. Ah, avec 92.2, t'appelles d'Angleterre? Et je suis en vacances à Paris. Oh là là, qui c'est qui m'a choisi cet auditeur? Qui m'a choisi ça? Qui m'a choisi ça au standard? Ton cul. Regarde. Eh non, mais ça commence à bien faire là, sérieusement, hein. Ça vient pas du standard. Alors il sort d'où lui? Mais j'en sais rien, mais ça vient pas de là. Il faut me trouver du monde là parce que ça va pas, on va pas continuer comme ça. Gérard, pour calmer un petit peu les choses, un petit point sur le net, 6342 connectés, donc ça on a doublé un petit peu. J'ai deux petites questions. Question de lapin mystère. Les agents de sécu sont-ils assurés par l'agence Tourisme? Ça n'a rien à voir. Je vois pas le rapport avec les assurances pour les chiens et pour les maîtres. D'accord. Donc, et une deuxième question de Manu qui te demande ce que tu penses des filles agents de sécu. Bah justement, la question, on va y venir. Ah d'accord, ça tombe bien. Donc on y vient juste après. Bah, de manière pour calmer un peu la sauce, parce que ça commence à me brouter le minou. Question de monsieur Cousin. Ta gueule, toi. C'est ma spécialité. La mère Michel, ça va? Oui. Tu te sens bien? Bah oui, pourquoi? Et la mère Michel qui a perdu câlin. Voilà. Bon, alors. Tu déconnes pas. Bon, de manière. Allez où la bordel de Zik là? Ah. Donc on va pour calmer un peu là attends, tout le monde. Pas tout de suite la musique. Si parce que ça, on va calmer tout le monde parce que ça commence à me chauffer. Je pose la question déjà. Hein? Donc, on reste toujours sur les trucs de sécurité, c'est tout. Et on va s'écouter Total Sécurité, stop ou je tire. Et on se retrouve tout de suite après en espérant que ça sera calme parce que sinon je mets la clé sous la porte à 1h30 comme prévu. Allez, on se retrouve tout à l'heure, à tout de suite. Ce soir, les débats de Gérard. Oh, celui qui a sa musique. Celui qui a sa musique derrière, arrête. L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, rebonsoir à tous. Donc, la suite du débat. Donc, on venait de s'écouter Total Sécurité, stop ou je tire. Et donc, on va faire un petit point sur le net, là, maintenant. Ouais, c'était un bon morceau, ça, Gérard. Donc là, sur le net, pour l'instant, on est 6020. Donc ça baisse encore un petit peu, mais faut mettre le double, hein, Gérard. Hein, faut y aller, là. Donc on va récupérer ça vite fait, bien. On fait, va voir ça. Donc deux petites questions. Question de Kelvinator qui te demande si tu connais des noms d'agents de sécu célèbres. Non, mais c'est pas les noms d'agents de sécurité célèbres. Non, j'en connais pas. Mais même, je donnerai pas les noms à l'antenne déjà pour commencer. C'est sûr. Non. J'en connais, mais je donnerai pas les noms. Donc c'est bon. D'accord. Et deuxième question, Epsilon qui te demande comment tu faisais pour repousser les admiratrices lorsque t'étais gardien de sécu, toi, agent de sécu. Non, mais c'est avec les odeurs. Non, mais ça, toi, c'est bon, toi, tu t'es là-bas. Tu n'utilisais pas d'armes, en fait, donc. Non. À part ton. Non, il n'y avait pas d'armes. On n'a pas le droit. Normalement, on n'a pas le droit d'en posséder. Donc voilà. Nous accueillons un nouvel auditeur. Oui. C'est Hot Dog qui vient du 101.9. Hot Dog. Allô, bonsoir. Bonsoir. Hot Dog. Benjamin. Benjamin Castoldla, bonsoir. Ouais, bah, tu te calmes, d'accord? La mère Michel, toujours là? Toujours là, rebonsoir. Rebonsoir. Donc, toi, t'aimes, quand j'ai dit tout à l'heure, ça commence à me brouter une minute, t'aimes bien ça, toi? Bah, ouais, y a bah, c'est bien, c'est pas mal. Et monsieur Mazur, pour finir? Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur. Bon, monsieur Mazur, de toute manière, on a décidé que, vu que, apparemment, vous avez compris ce que je vous ai dit dès le départ, apparemment, on va peut-être vous garder jusqu'à la fin. Et la mère Michel? Et la mère Michel, si elle se comporte bien et qu'elle me dise pas des conneries pour la finale, elle reste aussi jusqu'au bout. Mais par contre, les autres, je vous préviens. Mmh. Et ça, j'ai prévenu au standard que maintenant, ça va être vite. Monsieur Cousin. Ça va être vite fait, bien fait. Gérard, c'est Benjamin, j'aimerais répondre sérieusement à la question. Ben, donc, doivent-ils être assurés et de quelle manière? Donc, on fait deux questions, une donc, hein. J'ai bien précisé tout à l'heure. Et est-ce que les chiens doivent-ils être aussi assurés? Voilà. Non, donc, c'est les deux questions. Je suis agent de sécu dans une grande entreprise dont je ne citerai pas le nom. Non, non, faut pas citer les noms, de manière. Effectivement, je suis assuré, moi et mon Rottweiler Poupette. Mmh. Et on a ce ouais, mais c'est pas la peine de donner. Alors, tu veux pas donner le nom de ta boîte, alors tu donnes pas le nom de ton chien, d'accord? Oui, pas de marque. On a souscrit. Vers Michel, s'il te plaît. Merci. On a souscrit une assurance assez avantageuse, c'est la FACMUT. Eh, hey, Benjamin. Oui. C'est toi qui parles, là? Bien sûr. Hein? Alors, je te préviens. Ça fait déjà deux fois que tu t'amuses à me faire une connerie. La troisième, tu vas virer. Je viens d'arriver, monsieur Gérard. Ouais, non, mais moi, je te préviens. D'accord? Très bien. Alors, un homme averti en vaut deux. D'accord? Et un avertissement en vaut, ça fait déjà deux. Alors, le troisième, c'est bonne nuit. Un carton jaune, donc. Ouais, ouais, tu vas voir. Le carton jaune, tu vas te prendre un carton rouge avec un coup de pompe dans le cul et tu vas retourner au standard tout à l'heure, toi. Alors, déjà, tu vas faire une chose. Karine, s'il te plaît, tu veux... ah ben non, t'es occupé. Vous me mettez Benjamin en attente et vous me le calmez, merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les filles. Oh, tu t'écrases, parce que tout à l'heure, on va te dire au revoir tout de suite, toi, ça va pas être pareil. Oh putain... Hold dog. Hold dog. Ouais, tu peux me rappeler la question, s'il te plaît, Gérard? Putain, mais... je l'ai dit, là, il y a 5 minutes. Voilà, Benjamin, elle l'a demandé. J'étais hors antenne, je ne savais pas. Doivent-ils être assurés? De quelle manière? Est-ce que les chiens doivent l'être aussi assurés? Pas forcément. Forcément, ils doivent être assurés parce qu'ils portent des colliers. Les colliers, ça coûte cher. On voit, il y a beaucoup de vols de bijouterie en ce moment. Ça coûte très cher, les colliers. Donc, forcément, faut les assurer. Non mais attends, je te demande pas si on doit assurer les vols de colliers. Je te demande si on doit assurer de quelle façon qu'ils doivent être assurés, espèce d'andouille. Ah désolé, ouais, mais c'est pareil, si, ben les agents, ils tiennent à leur vie, donc forcément ils tiennent à leur collier, donc on va assurer leur collier. Je sens que toi tout à l'heure tu vas faire comme Benjamin, tu vas aller voir Karine au standard ou Aurélie, et puis ils vont te calmer, hein. Ok, non mais je vais me calmer. Ouais bah t'as intérêt de te calmer. On a que agent de ton cul là. Oui, bonsoir, c'est agent de son cul. Bonsoir tout le monde, agent de son cul, 30 ans, j'appelle de Bourg-l'Oignon, 119.9. 109.9, espèce de con. Non, Bourg-l'Oignon, 119.9. J'ai 109.9, d'accord. Et tu vas pas commencer à me faire chier. Alors 109.9, pardon. Bonsoir. Gérard, un petit point sur le net rapidement. Ouais. 6712. Et Pine de Lapin, décidément, très fertile ce soir en question, qui demande si le prix de l'assurance maître chien est proportionnel à la taille du chien et accessoirement à celle du maître. Non, je vois pas pourquoi il faudrait une taille spéciale pour assurer le chien puis le maître. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Ok. Donc, puis lui, il faudra peut-être qu'il pose des questions un peu mieux. Ouais, Bon, alors, agent de ton cul. Agent de ton cul. Tu réponds à la question? Sur les assurances. Bah écoute, non, sur la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave. Oh, celui qui fait ça derrière, arrête! Je voyais pas. Alors, je peux y aller. Je peux y aller, Gégé? Non, mais c'est quand tu veux, parce que les blancs, j'aime pas trop en avoir. Alors, tu te plains ou sinon tu vires. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est surtout le chien qu'il faut assurer, en fait. J'entends! Attends, putain, mais c'est pas possible, celui-là. Laisse-moi te répondre, c'est surtout le chien qui... Si ton chien mord quelqu'un, si t'as pas d'assurance, tu l'as dans l'os. Tu viens de le dire. Mais de manière, on vient de le dire, s'il mord quelqu'un, t'avais qu'à écouter tout à l'heure la mère Michel, elle l'a dit que en cas où il mordait quelqu'un. Putain, mais sois pas con. Débouche-toi les aurones. Je vais dans le sens de Michel. Oh putain! Levé dans le même sens. Et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que par exemple, si ton chien il se fait mordre par quelqu'un lors d'une intervention, il vaut mieux qu'il soit assuré aussi dans ce sens-là. Ah bah ouais, ah parce que tu crois que le chien va se faire mordre par quelqu'un, toi? On sait jamais, une intervention ça peut être musclé quand même, il peut se passer des trucs. Imagine à la sortie d'une boîte, il y a une bande qui se ramène avec des big bulles, et bah ton malinois il sait pas de. Des big bulles, hein, pas des big bulles là comme tu viens de dire, la mère Michel. Des rats de vénère, ça peut être. Non mais attends, déjà pour commencer, les pitbulls, normalement, ils ont pas le droit. Hein, maintenant... Mais si tu te fais attaquer par un mec qui a un pitbull. Ouais, mais normalement, les pitbulls, maintenant, c'est interdit. On n'a plus le droit, ils doivent être tenus en laisse avec une muselière. Non, mais on a le droit d'avoir des pitbulls, il faut qu'ils soient comme toi. Il faut qu'ils soient tenus en laisse avec une muselière, que je viens de dire. Mais il faut qu'ils soient stériles comme toi. Bon, agent de ton cul, tu vas pas. C'est pas moi. C'est qui vient de dire ça? Je viens d'arriver, bonsoir. Putain, mais. Celui-là, il est complètement con, il répond à la question, il dit « je viens d'arriver ». Tout à l'heure, toi, tu as dégagé, mais vite fait, bien fait. Okay. Benjamin, t'es calmé? Benji? Benjamin! Non, mais je peux pas te le mettre, en fait, là, parce qu'ils sont déjà quatre. Eh ben, tu mets un jambe ton cul de côté pour l'instant. Comme par hasard. Voilà, ouais, comme par hasard. Voilà, c'est bon. Bon, Benjamin, t'es calmé? Oui, je suis calmé, j'ai bu une petite verveine. Dragon Ball. Oh là là là là là, je sens. Toi, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller continuer de boire ta verveine parce que tu m'énerves. Allez, hop, dégage. Terminé pour toi. Comme ça, ça va aller plus vite. Hop, et on récupère un jambe de ton cul s'il dort pas. Gérard, je voudrais te poser une question. Ouais, c'est informal. C'est qui? C'est Hot Dog, Gérard. Je t'écoute. Ouais, je voudrais savoir, c'est pourquoi toujours les maîtres chiens? Parce qu'il n'y a pas que les chiens qui sont féroces, qui sont des animaux qui font peur. Je sais pas, il y en a beaucoup d'autres. Il y a les chats, il y a les singes, il y en a beaucoup. Ouais, c'est vrai. Non, mais attends, on va pas commencer à faire un débat sur les zoos, parce que j'ai jamais vu un agent de sécurité ou un maître chien avec un chat ou un singe. Ouais, mais non, mais tant que tu y es aussi, Hold Dog, comme tu poses la question, qu'il n'y a ni queue ni tête comme toi, d'abord, pour commencer, ouais. Hein, dans ces cas-là, pourquoi tu prends pas un crocodile ou un éléphant ou une girafe aussi, tant que tu y es? Ouais, c'est vrai. Hein? Oui, un maître crocodile, monsieur Gérard. Ouais, bah, bien sûr, monsieur Mazur. N'importe quoi, bien sûr, attendez. Gégé, non, mais attends, c'est agent de ton cul. Est-ce que t'as déjà entendu parler du maître renard et du maître corbeau? est-ce que t'as déjà entendu que ta mère, elle allait se faire enculer par toi bientôt? Non, ça, à mon avis, c'est pas d'actualité. Hein. Ouais, ben, je pense que tout à l'heure, tu allais la voir et puis tu vas lui demander. Bon, d'accord. Bon, alors, suivant. Non, j'ai pas répondu, moi, dans cette histoire. Question IRC. Gérard, déjà pour commencer, 7612. En ce moment, 7612, donc ça monte. Et une question d'Epsilon qui te demande si les agents de sécu doivent manger tous les jours des yaourts pour se tenir en forme. Je vois pas le rapport du tout avec le débat sur la sécurité. Bah si, ça parle des agents de sécu. Ouais, mais d'accord, mais je vois pas le rapport s'il faut qu'ils mangent des yaourts ou pas. Bah si, il y a un rapport, c'est pour se tenir en forme. Mais là, s'il est en forme comme il peut. Qu'est-ce qu'il y a, toi, là-bas? Actimel, tu sais, ça te renforce de l'intérieur. Ah, c'est ce que j'allais dire. Attendez, l'Actimel direct. Oh là là là là là. Putain, toi, c'est ce que tu ferais mieux de prendre pour calmer ta douleur. Ah là là, c'est bon pour les chiens. Bon, alors donc l'assurance, oui, donc comme la mère Michel elle disait, donc parce que s'il meurt quelqu'un, et oui, comme son maître, on ne sait jamais en cas de blessure grave ou de décès. Voilà, terminé, on a fait le tour de la question. Attends, Gégé, est-ce que ça fait partie des frais que tu peux te faire rembourser par ton employeur? L'assurance est à tes frais. C'est à tes frais. C'est un peu dur ça quand même. Ah ben, ouais. Attends. Déjà, l'employé cherche des maîtres chiens et des agents de sécurité. Tu crois pas qu'il va encore payer en plus l'assurance pour toi et puis pour ton chien? Non, mais monsieur Gérard, surtout si je peux me permettre d'intervenir, surtout que j'ai entendu dire que les agents de sécurité étaient plus que grassement payés. Oh non, ça dépend. Non. 8000 euros. Comment? Ah, mais merde! Qui c'est qui s'amuse là? Eh, le connard là, il va se calmer là maintenant! Donc, monsieur Mazur, oui, alors donc, écoutez, dans un journal dont je ne citerai pas le nom, bien évidemment, j'ai lu que le salaire moyen d'un agent de sécurité en début de carrière avoisinait les 6000 à 8000 euros mensuellement. Ouais, mais là, je crois qu'il y a un truc qui va pas, parce que ça me paraît bizarre quand même, ces chiffres. Écoutez, hein. Mais non, après tout, alors ça nous ferait entre 36 et 43 000 francs, n'est-ce pas? Oh non, et oh, ça fait, là, je crois pas. Hein, écoutez, c'est un journal très très sérieux, en plus. Ouais, hein. Non, mais là, je crois que c'est pas bon, là, il y a... Ouais, c'est pas mal. Il y a une erreur, hein. Il y a une erreur là, parce que c'est pas normal. Entre 40 et 43 000 francs qui seraient par mois. c'est ça? Oui, oui, absolument. Ah non, non, non, ça va, ouais, dans ces cas-là, c'est carrément un PDG, hein, ou directeur... Non, non, pas du tout. Hein, bah si, ça serait un directeur d'une bijouterie. Voilà. Non, non, monsieur Gérard, il y avait bel et bien écrit un employé, donc, en début de carrière. Mmh. Ouais, bon, hein, c'est bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Hein. Mais attends, bon. Est-ce qu'ils ont pas quand même un petit peu... Non, mais donne ton nom quand tu parles. Hey, Mère Michel, faut pas... Bah... C'est l'agent de son cul. Mère Michel, elle est partie? Tu l'as virée. Mais non, c'est pas elle que j'ai virée. Mais si, t'as l'air. Mais non, c'est Benjamin que j'ai virée. T'as virée aussi, mais la mère Michel. Non. Voilà. J'ai jamais dit que je la virais, rappelez-la. Je la rappelle. Rappelez-la. Ouais, GG, je te disais, c'est agent de son cul. Est-ce que quand même, ils ont pas d'autres avantages je sais pas moi, ticket resto, frais de panier, tout ça, non, y compris pour le chien. C'est-à-dire, est-ce que le chien, lui, il a pas aussi l'équivalent des tickets resto? Des tickets de pas, les chiens, je crois. Non, non, non, non, ça, non, non, mais attends, parce que là, vous partez, vous me posez des questions. Bon, de toute manière, pour l'agent de sécurité, mm-hmm. Bon, il y a des frais de déplacement. Donc, automatiquement, les frais de déplacement, le frais de panier est compris dedans. D'accord? Oui. Et pour le chien aussi, est-ce que ça comprend la gamelle? Ben, ça comprend les deux, hein. Ouais. Automatiquement, hein, si... Monsieur Gérard, qu'en est-il des soins vétérinaires? Comment? Les soins vétérinaires. Ben, c'est auprès de du gars qui a le chien, hein. De manière, en principe, quand la personne se fait, embaucher avec son chien en disant qu'il vient pour la place, donc automatiquement, il doit présenter tous les papiers nécessaires concernant le chien. Ouais, c'est-à-dire, le carnet de santé à jour est tatoué. Gérard, t'es d'accord? Donne ton nom. Pardon, c'est Hot Dog. Ouais, les agents, les maîtres chiens, ils travaillent souvent de nuit, t'es d'accord? Mmh. Bah, comme les agents de sécurité, hein. Ouais, mais donc ils doivent avoir des vétérinaires de nuit, comme les médecins de nuit, parce que sinon ça marchait pas, ça fonctionne pas, sinon. Non, mais attends, qu'est-ce que t'es en train de me mélanger, toi, là? Oui, et monsieur Gérard, simplement, si le chien tombe malade en pleine nuit, comment faites-vous? Non, mais de manière, il y a toujours des vétérinaires qui sont ouverts, hein. Bon, de toute manière, la question, on va pas s'éterniser trop là-dessus. Et la mère Michel est revenue. D'accord. Mère Michel, qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir, je comprends pas. Karine m'a dit au revoir, et puis voilà. Mais alors, Karine, on vire les gens comme ça sans que ça soit moi qui les vire. J'avais dit. Je t'ai entendu dire, dégage, tu m'énerves. Ah non? C'est à Benjamin que j'ai dit ça, c'est tout. Et à Mère Michel, j'ai dit qu'elle restait jusqu'à la fin du débat avec monsieur Mazur. L'erreur là, tu mènes. Voilà. Elle a un travail considérable au standard. Elle a pas entendu, elle a un travail énorme. Ouais, ben, bien sûr, surtout avec moi, ah, c'est comment que je fais? Bon, alors, là, c'est la question suivante. Il n'y a pas de question importante sur le net? Si, Gérard, alors, attends, bouge pas. On est à 7810. Mm-hmm. Question de monsieur Cousin. Ah, intéressant. Non, question de Rodolphe Vagina, qui te demande, GG, c'était quoi ton QRZ quand t'étais agent de sécu? Déjà, je faisais pas de CB, donc en étant agent. Tu faisais quoi la nuit, en fait? Dans une société, je restais à surveiller. Ouais, mais quand tu te faisais chier, tu faisais quoi exactement? Bah, je bouquinais. D'accord. Je bouquinais ou je regardais ou j'écoutais la radio, il y avait que ça à faire. Et ton cul? C'est peut-être ton cul, hein. C'est possible. Oh. Alors, agent de ton cul! Ah non, c'est pas moi, attention, oh là là, il y a erreur de voix, là. Alors, c'est Hold Dog. Monsieur Gérard, poursuivez. Bon, c'est bon, là, maintenant, on se calme. Donc, j'ai répondu à sa question. Donc, quand je m'emmerdais, je bouquinais, puis j'écoutais la radio. Donc, je vois pas le QRZ. Je pouvais pas faire de la CB, étant donné que la voiture, elle était au garage. T'as le droit de lire, hein? Bah oui. Bah, de toute manière, vu qu'on était deux, donc, automatiquement, il y en a un qui faisait une ronde. Moi, pendant ce temps-là, je restais là-haut. Et après, c'était moi qui refaisais une ronde une heure après ou deux heures après, hein. Vous faites pas la ronde à deux? Ah non, il y a toujours il y a toujours une personne qui doit rester dans les locaux pour répondre au téléphone. Si par exemple le patron de la boîte appelle pour savoir si ça se passe bien, ou même le directeur, il peut se pointer à n'importe quelle heure de la société pour savoir si on fait bien le boulot, c'est tout. Et toi, s'il arrive et que tu bookines, à votre manière, il peut rien dire vu que s'il y a toujours quelqu'un qui est présent dans la loge. Et que son boulot il est fait, et que quand il prend son cahier, qu'il voit que toutes les rondes ont été faites et qu'il y a rien eu à signaler durant la nuit, lui il s'en fout. Il s'en fout. Hmm? Tu lisais quoi? Des romans. Des romans. Non, pas. Non, c'est pas des romans d'amour. Des Picsou, des trucs comme ça. Quoi. Non, mais bien sûr, pourquoi pas des Tintin Milou non plus tant que tu y es, toi. Ou des Pantouzes, des Playboys. Ouais, non, c'est mais... ça, Playboy. Ah, t'es bien placé, toi, pour lire Playboy, hein. Uh-huh. Ouais, bah, on voit, hein. On voit qu'il y en a qui savent bien lire ça. Ah, ouais, alors, question à Internet avant qu'on reparte, non? Non, question de Monsieur Cousin de Suresnes. Jean, est-ce que tu peux couper ton micro quand tu tousses, s'il te plaît? Non, ça donne du flair. Bon, ok. Oh, putain, ouais. Pense à ceux qui passent après, vas-y. Alors, y a-t-il autant de femmes que d'hommes dans les deux professions? On va demander à un agent de ton cul. Bah écoute, je pense qu'il y a quand même plus de chiens mâles que de chiens femelles dans les deux professions, a priori. Est-ce qu'il y a... Attends, parce que toi, depuis tout à l'heure, t'es en train de te foutre de ma gueule sérieusement. C'est possible, eh ben au revoir. Ah bah non, quand même. Au revoir. Eh ben là, maintenant, c'est possible que tu t'en ailles. Bah qui, quand même. Agent de ton cul. Oui, je suis là, je peux répondre. Non, voilà. Old dog. Oui. Donc, s'il y a plus d'hommes ou de femmes, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes parce que c'est quand même un travail physique. Donc, forcément, les hommes sont quand même plus forts que les femmes, faut bien se l'avouer. Donc c'est surtout des hommes. Moi, dans un sens, si tu veux. Mère Michel. N'importe quel sens. Bah, moi, je pense que effectivement, pour les hommes, parce que, ils aiment bien rien branler la nuit. Donc, agent de sécu, c'est le bon truc, quoi. Ouais, non, mais je pense. Non, mais ouais, d'accord, mais non. Attends, faut pas croire que les mecs, ils branlent rien de la nuit quand. Ah, tu disais que tu lisais. Ouais, non, mais attends, parce qu'on était plusieurs. Le boulot, il y a de payer pour lire, hein. Ouais, non, mais c'est qu'on était plusieurs aussi, attention, hein. On était plusieurs, hein, c'est pour ça aussi que je pouvais me permettre de lire, hein. Ouais, mais de temps en temps aussi, je prenais le. C'était. Quand c'était à mon tour de faire la ronde, je la faisais, hein. Ça, faut pas croire que je faisais que de lire jusqu'à. Jusqu'au c'est quand même jusqu'à... l'air d'être un métier passionnant. Bah disons, quand tu te tapes 12 heures, quand tu te fais 12 heures d'affilée, tu commences à 19h et que tu termines à 7h du matin. Et tu préférerais pas prendre à 19h et finir à 7h dans une usine de métallurgie? Bah j'étais... Pour essayer à quelque chose. Comment ça? Bah je sais pas, tu fournis plus de travail qu'en 10 ans. Ouais, mais c'est pareil, hein. C'est ça, ça revient au même, hein. Ça revenait au même. Monsieur Mazur, pour finir. Eh bien, écoutez, moi, je me range de l'avis de l'opinion générale, n'est-ce pas? Et je pense qu'il y a bel et bien beaucoup plus d'hommes que de femmes. Bah, de toute manière, moi, jusqu'à maintenant, j'en ai croisé deux, trois qui étaient, c'était des femmes, bon, qui... Est-ce que c'était des femmes comme moi, Gérard? Ah, bah, je connais pas ton critère. Bah, Brout Minou. Non, ça c'est Brout Minou, c'est nous qui broutons vos minous, c'est pas vous. Okay, oui, mais monsieur Gérard, je vous rappelle, oui, vous n'avez pas à le faire, vous ne pouvez pas le faire pendant vos heures de travail. De quoi? De brouter les minous. Tout à fait. Bah non, heureusement qu'on n'a pas le droit de se taper sa copine pendant les heures de boulot. Parce oui, qu'on non, pas... mais précisez-le, parce qu'il y a peut-être des gens qui pourraient penser que, finalement, agent de sécurité, c'est un métier très très cool, on lit des livres et on broute le minou de sa copine, n'est-ce pas? Oh, ça, Karine, tu crois pas que ça nous en fait un peu de trop, là, des auditeurs? Bah, réponds à Monsieur Mazur. Ah non, ouais, Monsieur Mazur. Ouais, vous disiez? Oui, je disais qu'il fallait effectivement le préciser, n'est-ce pas? Parce que les gens seraient alors tentés de confondre, vous êtes de mon avis. Non, mais de manière, faut bien se dire une chose, parce que là, c'est vrai que on parle de s'il y a autant d'hommes et de femmes dans les deux professions. Donc, ce qu'il faut bien dire. Ils broutaient pas. Donc c'est vrai que bon normalement il y a plus d'hommes parce que c'est un boulot qui est quand même assez dangereux la nuit pour une nana parce que c'est vrai que une nana pourrait se couper avec une page du bouquin donc. Ouais bah d'accord ouais non mais c'est bon ou bien encore se casser un ongle. Ouais mais ça ouais d'accord. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est plus un boulot pour mec. Donc c'est vrai que bon monsieur Mazur disait comme ça que si on emmenait sa copine, bon, normalement c'est interdit d'emmener sa copine sur les lieux de son travail. Mais moi, l'avez-vous déjà fait, monsieur Gérard? Ouais, je l'ai fait une fois, mais je me suis pris un avertissement aussi. Malheureusement, parce que j'ai mon chef qui est arrivé derrière, puis je me suis pris un avertissement parce qu'elle était là. Il est arrivé derrière votre copine. Hein? Votre chef est arrivé derrière votre copine. Ben, disons, elle était venue avec moi le matin parce que une semaine j'étais du matin, une semaine j'étais d'après-midi, puis là c'était un week-end où que je travaillais, j'étais de permanence. Oui. Et ben malheureusement, elle m'a dit je peux venir avec toi. J'ai dit y a pas de problème et manque de peau. J'ai commencé à 7h, à 8h il est arrivé, puis il manque c'est de peau. Ben, je me suis pris un petit avertissement, mais c'est pas grave. J'étais en train de la sauter ou quand pas même. Non, j'étais en train de l'embrasser, puis ben, je me suis pris un avertissement, manque de peau, puis c'est tout. Alors justement, Gérard, sur le net, une question de Mister Cousin qui te demande si un agent de sécu a le droit d'avoir des relations sexuelles pendant son travail avec un animal ou autre. Avec son chien. Et pour répondre à la question, je propose qu'on accueille Sécu Lover. Et pour l'instant, Karine, s'il te plaît, je l'aurais accueilli, mais après, une fois que j'aurais répondu sur le site internet. Si ça te dérange pas, c'est encore moi qui commande. Salut, Gérard. Ouais. Salut, Sécu Lover. Oui, bonsoir, monsieur Lover. Alors, Sécu Lover, bonsoir. Bonsoir. Gérard, la question. Shabbat. Bah c'est bon, je vais répondre à la question. Donc d'emmener sa copine sur son lieu de travail, c'est ce que je disais à monsieur Mazur. Normalement, c'est interdit vu que moi je me suis pris un PV. Un PV. Un avertissement. Ouais, mais si on n'a pas de copine, on peut quand même l'amener. Bah si t'as pas de copine, tu peux pas emmener ta copine au boulot, espèce de con. Ah bah oui, je suis bête. Ah ouais, bah t'es con. C'est pas pareil. N'importe quoi. N'importe donc voilà. Ridicule. Oui, donc les relations sexuelles. Bah les relations avec un animal ou autre. Bah non, avec un animal non. Je vois pas comment tu vas amener un animal sur ton lieu de travail. Bah si t'es maître chien. C'est de la pédophilie, ça. Bah ouais, mais attends, si ton chien, tu l'emmènes, c'est pour travailler avec toi. Tu vas pas sauter ton chien, sinon c'est de la pédophilie. Bah ouais. Ça m'a dit la mère Michel. C'est qui en deux Michel Médor là? Oh, Michel Médor. Comment? Bonsoir, Médor. On a combien de personnes là? Monsieur Mazur, mère oui, Michel. Je suis là. Bonsoir, oui. C'est monsieur Mazur. Attendez, monsieur Mazur. Bonsoir, c'est monsieur Mazur. Mère Michel. Oui. Hold Oeil. Ouais. C'est s'il te plaît. C'est Q. Oui. Et Michel. C'est monsieur Lover. Et qui il sort d'où celui-là là? Michel Médor là. Non, ce sera monsieur pour plus tard. Cousin de Suresnes. Allez, ouais, il commence à m'énerver ce mec-là depuis tout à l'heure avec cette histoire-là parce qu'ils ont pas besoin de citer mon nom de famille à l'antenne. Bon Gérard, pose la question, on va mettre un disque. Non. J'ai dit non. Bon, ok. On va. Allez, soyons fous. Allez, vas-y. Je pousse à moins le quart et c'est tout. Allez, vas-y. De toute manière, j'avais débordé. Je vais fermer 16 questions d'agent de sécurité. D'accord. Bon ouais. C'est bien Gérard, 7813, ça monte d'un seul coup là. Hop là. Il éjaculait pas. Ta gueule toi connasse. Allez, que pensez-vous que les maîtres chiens et agents de sécurité s'entendent bien? Alors Sécu Lover. Moi je pense qu'ils s'entendent très bien. Parce que en fait moi j'ai un ami qui est maître chien. Et son meilleur pote, en fait, c'est un gardien de sécurité. Attends, ça va, je vous dérange pas trop là-bas? Ça va, Un petit peu en fait. Non, mais ça va. Tu pouvais sortir. Si vous pouvez prendre un peu d'auditeur là, que de dormir là, ça irait, hein. Ah, c'est pour ça que je suis venu, c'est vrai. T'es venu, c'est pour. Bon, Gérard, enchaîne. Pour le standard, hein. Donc c'est cul over, vas-y. Oui, donc moi je disais que un de mes amis est donc gardien de sécu, et que son meilleur pote à lui, c'est un maître chien. Donc apparemment, ils ont l'air de bien s'entendre. Hein. D'accord. Paul Dog. Ouais, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec l'auditeur précédent. Hein. Avec Sécu Lover. Ouais, voilà. Parce que non, moi, je pense pas. Je pense que quand même, l'agent de sécu doit avoir une petite jalousie quand même contre l'autre. Parce que l'autre a un chien quand même. Mais c'est un ami, un chien. L'autre, il est tout seul, il s'emmerde un peu. Donc, je pense pas qu'il soit vraiment pote. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais... Non, mais on va voir. Mère Michel. Je crois qu'il y a la rivalité entre les deux, en fait, parce qu'il y en a un qui a un chien et pas l'autre, donc peut-être que, je sais pas, l'agent de sécu est jaloux, quoi. Ouais, ben... Parce qu'à la rigueur, toi, il est l'autre avec son chien, il est plus protégé que l'agent de sécu qui a rien du tout, sauf peut-être une bombe lacrymo, c'est tout. Monsieur Mazur, pour finir. Écoutez, moi, je pense que de très très fortes amitiés peuvent se développer entre les deux, des amitiés qui iraient jusqu'à partager le même vestiaire, n'est-ce pas? Oh non, quand même pas à ce point-là, monsieur Mazur, faut quand même pas exagérer. Ah, écoutez, je le tiens d'un magazine, en vue de ce débat, je mets... Non, monsieur Mazur, monsieur! Merci, franchement. Je me suis retourné, t'as rien senti, maintenant. Non, l'a entendu. Coupe ton micro. Qui a pété? Allez, non, c'est personne n'a pété. Donc, monsieur Mazur. Monsieur Gérard. Je vous dis, vous pouvez rester jusqu'à la fin, mais arrêtez de me balancer des trucs des magazines parce que je m'en bats les couilles. Ça va vous faire mal en même temps. Ouais, tant que c'est pas vous qui me les battez, ça ira. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Tout le monde a répondu? Dans ton cul. Répondez pas, surtout les auditeurs. Moi j'ai répondu. Tout le monde a répondu? Donc, moi je vais vous répondre. Question de monsieur Cousin. Je vais répondre si ce con arrête. Parce que question ça commence. De monsieur Cousin de Suresnes. Ça commence à m'énerver cette histoire. Je sens que le débat, je veux même pas aller jusqu'au bout. C'est con parce que j'avais l'intention d'y aller. Alors donc moi je vais répondre. Ça fait tellement plaisir. Gérard, on t'écoute. Je vais répondre sur la question que pensez-vous que les maîtres chiens s'entendent bien? Bah disons cela dépend des circonstances. Moi je sais que j'ai connu des gens qui travaillaient dans deux boîtes séparées. Bon, c'est vrai que bon, c'est pas parce qu'il y en a un qui a des chiens, l'autre il est sans chien, mais ils s'entendaient quand même bien. Donc je vois pas pourquoi que on dit que les maîtres chiens et les agents de sécurité s'entendent pas ensemble, c'est faux. Mais c'est vrai que ça dépend. Des boîtes à chaussures. Bon, Old Dog, c'est toi qui viens de dire ça, je te dis au revoir, celui-là. Terminé. Et du coup, on a Michel, tu peux me le mettre, Karine, merci. Michel. Oui, c'est Michel et Médor, j'appelle avec ma femme. Donc, tu veux peut-être répondre maintenant que j'ai répondu à la question. Le problème, c'est que j'ai pas trop entendu la question, Gérard. Je suis désolé. Mais c'est pensez-vous que les maîtres chiens et les agents de sécurité s'entendent bien? Je pense que oui, du fait que justement ils ont les mêmes diplômes. Je pense que ça facilite les liens entre ces gens-là. Je pense que oui. De toute manière, c'est ce que je venais de dire. Hein. Apparemment, les grands esprits se rencontrent. Donc voilà. Alors, 8e question et après on va se mettre un disque. Il va être moins le quart, donc ça tombe bien. J'avais dit à moins le quart. Alors, croyez-vous que le métier de maître chien est dangereux? Et on va s'écouter. Doberman, I like to watch. Ce soir. Vous répondez à la question, vous gerbez. Les débats de Gérard sur Fun Radio. Vous arrêtez de vous fendre la gueule derrière parce que tout à l'heure ça va. J'en chope un au hasard. L'émission la plus trash de la bande FM. Eh, hey, tu parles encore plus fort, je comprends pas, espèce de con. Radio. Et voilà, rebonsoir à tous pour la suite. Ah non, Gérard, t'aurais pu tousser pendant le disque. Hein. Suite et fin du débat, donc on venait de s'écouter Doberman, I like to watch. Et donc un petit point sur le site internet. Alors combien on est? On est 8111. Attends, merci, Gérard. Excuse-moi, 8111. Et une question de Mr. Pif Paf qui demande si les agents de sécu ont le droit de voter aux élections présidentielles. Ben ça a rien à voir avec le débat. Ben si, ça parle d'agents de sécu. Non, mais de toute manière, ils vont voter la journée, hein, c'est tout. Hein. Voilà, c'est tout. Okay. Donc ils peuvent voter. D'accord. C'est tout. Ben voilà. Donc on récupère Monsieur Mazur. Oui, bonsoir Monsieur Mazur à l'appareil. La mère Michel. Oui, rebonsoir la mère Michel. Sécu l'over. Sécu. Attends, on le brief un petit peu là. Question de Monsieur Cousin. Oui, tout à fait. Sécu l'over. Oui, bonsoir Gérard. Et Michel Médor. Pour finir. C'est Michel et Médor. Ouais, ça sera Michel Médor, d'accord? Merde! Et qui c'est qui s'amuse là? Qui c'est qui s'amuse avec son téléphone? Attention, je vais. Celui qui joue avec son téléphone, arrête, parce que tout à l'heure, il va gerber. Croyez-vous que le métier de maître chien est dangereux? Donc, on va demander à Michel Médor. Le métier de maître chien est-il dangereux? Mais te fous pas de ma gueule parce que tout à l'heure tu vas même pas répondre à la question. Non, j'essaie de réfléchir à la question, bien qu'elle. Ah bah alors, tu vas réfléchir, tu sais où? Mais pourquoi? Bah laisse-le réfléchir. Attends. Déjà, tu vas pas te borrer, tu vas déjà retourner voir Karine au standard et puis on va te briefer un petit peu tes neurones. D'accord? Tu vas briefer ton cul, ouais. D'accord, à tout de suite alors. Ok, c'est cul au beurre. Bah écoute, je pense que oui, le métier de maître chien, c'est un métier dangereux. Car on peut se retrouver dans certaines situations très cocasses, comme par exemple devant des voyous. Et s'ils sont nombreux, à mon avis, ça peut devenir dangereux. D'accord. À la place de la personne que tu viens de remettre au standard, nous accueillons Rod Villain. Bonsoir Gérard. Rod. Oui, bonsoir Monsieur Rod Villain. Bonsoir, c'est Rod Villain, 28 ans, Bourbourlet, 118-8. Ouais, c'est ce que j'attendais. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Donc, t'as entendu la question? Pas en détail. Est-ce que tu... Alors, croyez-vous que le métier de maître chien est dangereux? Voilà. Bah écoute, je pense que... Laisse finir la mère Michel. Pardon, excuse-moi. Oui, s'il vous plaît. Moi, je pense que non, parce que si c'était dangereux, il n'y en aurait pas autant. Ah bah, moi, je suis pas de ton avis. Bah si, franchement, parce que des vigiles et des maîtres chiens, t'en as à tire la rigole, quoi. Donc, si c'était pas dangereux, ils choisiraient pas ce métier-là. D'accord. Monsieur Mazur, pour écoutez. Attends, monsieur Mazur. Oui, Mère Michel, excuse-moi. Je me dis que c'est peut-être aussi parce qu'ils ont pas pu rentrer dans l'armée ou dans la police, quoi. Mais je t'entends mal. Non, mais je pense. Dis, c'est peut-être parce non, non, non, mais c'est bon, je sais pas. C'est un connard qui s'amuse à vouloir faire le con, c'est pour ça. Je croyais que c'est un mec bourré qui parle. Non, j'entends. Eh, c'est bon, vous foutez pas de sa gueule, sinon je vous vire. Non, pas du tout. Pour une fois qu'on a une nana qui va rester jusqu'à la fin, ouais, hein, vous avez pas commencé à l'emmerder, parce que moi je vais vous dire bonne nuit, vous allez voir. Non, pas du tout, moi je vais faire mon test. Hein, parce que je pense que pour une fois qu'on a quelqu'un qui répond correctement aux questions par rapport à d'habitude, c'est vraiment rare, hein, je peux vous le dire. Ouais, foule-toi dans le cul, là. Mais ta gueule, pas, c'est que tu l'obères en vrai. Ce n'est pas moi, Gérard. Voilà, c'est bon. Alors, il est calmé, là, Michel Médor? Bon, alors, Michel Médor, heureusement qu'on t'avait sous la main. Oui, bah, je suis là. Ça y est, t'es calmé? Oui, très bien. Alors, maintenant, tu réponds à monsieur Mazur, tu réponds, ben, tu vas attendre encore un petit peu pour répondre. D'accord. Monsieur Mazur, pour oui, continuer. Alors, écoutez, j'allais vous répondre que oui, le métier de maître chien est un métier dangereux à 100%, car ces personnes-là ne sont jamais à l'abri, par exemple, de buter contre l'animal et de tomber par terre, par exemple. Non mais ça, monsieur Mazur, je vois pas le rapport avec je vois pas pourquoi que le mec il buterait l'animal. Eh bien, c'est-à-dire la ronde, vous parliez de faire des rondes tout à l'heure, si je ne m'abuse. Ouais. Il est possible, et peut-être allez-vous me contredire, monsieur Gérard, mais il est possible que vous aventuriez dans des coins un peu sombres. C'est pour ça que je disais que l'on peut facilement buter contre l'animal et tomber au sol. Ouais, mais là, dans ces cas-là, on a des lampes électriques pour faire les rondes. Hein. Faut pas l'oublier. Mère Michel. Si tu marches sur la patte du chien et qu'il te mord, bah c'est dangereux, ça aussi. Ah ouais, mais ouais, d'accord. Ouais, ok, la bonne vanne. Monsieur, tu as raison. Ouais, non, mais ok. D'accord, je suis d'accord. Michel. Ouais, bah je suis pas tout à fait du même avis que la demoiselle qui vient de parler, parce que si le chien peut pas mordre son maître, c'est impossible. Pourquoi? Ah bon? D'accord avec moi, Gérard. Ah bon, il peut pas le mordre? Bah non, puisque c'est son maître, c'est impossible qu'il le morde. Mais s'il a mal. S'il a mal, le chien, tu veux dire? Bah oui. Pas l'animal, pas le mec, espèce de con. Mmh. Bon, pour répondre à la question, moi je dirais que c'est vrai que c'est un métier assez dangereux, le métier de maître chien, mais bon, ils sont au courant, quoi. Ils prennent le risque de faire ce métier. C'est pour l'amour du métier qu'ils font ça aussi. Il faut pas oublier, Gérard. Oui, et pour l'amour du chien également. Mmh. Voilà. De toute manière, en principe, quand on fait un boulot, c'est qu'on aime son boulot. Moi, si je fais des débats, c'est que j'aime bien gueuler derrière un micro et puis c'est tout. Ouais, on voit que t'es un passionné là-dessus. Hein. Et j'aime bien vous prendre la tête. Et quand vous me prenez trop la tête, eh ben je vous dis au revoir. Et celui qui s'amuse avec son portable, arrête. Il y avait longtemps le portable. Il y avait longtemps que j'avais pas entendu un bruit de potable. Allô, question de monsieur Cousin de Chine. Allô, qu'est-ce que t'as dit? Rogue. Ouais, écoute, je pense que c'est un petit peu l'essence même du métier. Hein. C'est les risques du métier, tu veux dire, c'est ça? Non, pas exactement, si tu veux. Ça fait partie de la condition de base de l'agent de sécu ou du maître chien de prendre des risques. C'est pas pareil. Ouais, non mais attends, tu crois que je réponds quand même moi aussi maintenant, je vous réponds. Ouais, mais je pense que là tout le monde me disait oui, il y a pas deux personnes qui m'ont dit non. Je voyais pas pourquoi qu'on me disait non. Mais moi je peux vous dire que c'est oui, car sur une car en intervention, on ne sait jamais sur qui on a affaire. Quand, je sais pas qui c'est qui l'avait dit tout à l'heure ça. Parce que quand tu fais une ronde, par exemple t'as avec ta lampe, t'as avec le chien, tu sais jamais sur qui tu tombes derrière. C'est clair. Hein? Donc je pense que la mère Michel, c'était à peu près sur ça que vous vouliez réagir aussi. Oui, sûrement. Entre deux. Non mais c'est vrai que GG, il y a des métiers qui sont un petit peu excitants, on va dire, qui donnent des poussées d'adrénaline. Il y a des trucs comme, je sais pas, agent secret, mais il y a aussi agent de sécu, quoi. Non mais attends, et agent secret, faut pas quand même confondre. Les agents secrets et les agents de sécurité, hein, parce que c'est pas du tout pareil. C'est quoi la différence? Les agents secrets, c'est ceux qui sont payés pour des trucs secrets. Secrets, voilà. Et les agents de sécurité sont payés pour faire le boulot de sécu. D'accord. Voilà. Monsieur Donc, Gérard, oui. Existe-t-il par exemple des agents de sécu secrets? Oh, la question que je m'y attendais pas au virage. Eh ben non. Non, ça n'existe pas. Ça existe, oui. les agents secrets qui sécrètent du cul. Alors toi, Rag, Les agents secrets qui secrètent du cul, tu vas les sucer la bite de ton chien. Au revoir. Bravo Gérard, bravo. Putain Gérard, franchement ce soir. Eh, l'attention ce soir. Bravo. Allez. Comment? Je crois qu'il est parti là. Eh, eh, non, il est parti là. Karine, s'il est encore au standard, tu lui dis que la prochaine fois qu'il passe à l'antenne, je lui dis au revoir d'entrée. À Rock. Eh, t'as pas viré le bon. Alors, si j'étais toi, je me la jouerais petit. C'est qui? C'est qui? Quelqu'un d'autre des autres. Ben attends, je me la vire petite, hein. Toi, la sienne, tu vas la fermer. Et hey, franchement, là, Gérard, tu vas pas passer ta petite de parler fort, de chien et de chienne comme ça, Gérard. Faut que ben attends, mais c'est elle, depuis tout à l'heure, elle se dit, elle se croit une chienne. Ben attends, elle la traite de sienne. C'est les débats, là. Elle fait du boulot de sienne. Justement, en parlant de chien et de chienne, Gérard, sur le net, on est 9208, là, pour l'instant, ça monte, hein. Tu peux le noter, 9208. Point culminant du débat, pour l'instant. Il y a Calvinator qui nous demande, quelles études il faut faire chien d'agent de sécu. Putain, mais, tu peux lui demander, qu'il répète la question. Bah, ça va être dur. Parce que ça va être un petit peu difficile, si tu veux, Gérard. Parce que mes neurones, elles ont pas compris. Tes neurones. Donc, il te demande, qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour faire chien d'agent de sécu? Elle sait, elle a pas besoin de faire des études, il est complètement con, celui-là. Bah ouais, mais tu deviens pas chien d'agent de sécu comme ça. Bah oui. À moins d'être pistonné ou de coucher avec. Choisi, hein. Ouais, voilà, faut coucher, quoi. Bah, de manière, il y en a bien qui couchent avec leur patron pour avoir la bonne place, alors. Bah ouais, donc c'est ça, alors, en fait. Voilà, bah, faut coucher, puis c'est tout. Je sais pas s'il y en a qui couchent parmi les auditeurs pour avoir leur place qu'ils ont. Mais en principe, ça va être un thème de débat, tiens. Note-le, Gérard. Note-le sur une feuille. Un thème de débat. Faut-il coucher pour devenir chien d'agent de sécu? Non, faut-il coucher pour être un auditeur? Faut-il coucher pour avoir ce job? Mmh. Pour avoir... Ouais, faut-il coucher pour être auditeur, c'est pas mal. Gérard, il est 2h. Gérard, il est 2h, il reste à peu près encore un gros quart d'heure, donc on active. Pensez-vous que le métier de maître chien agent de sécurité pour les mêmes horaires? Tu peux répéter la question parce que t'es allé un petit peu trop vite, là. Bah tu me dis, on active. Bah oui, mais bon, pas non plus. Bah si tu veux, je pose toutes tes questions. Non, non, allez, vas-y, Gérard. Allez, un peu de sérieux, s'il te plaît, un peu de sérieux. On y va. C'est bon. Vous avez entendu ma réponse? Ouais, mais t'as pas une question de cul plutôt? Comment, madame? Comment, mère Michel? T'aurais pas une question de cul? Pourquoi tu veux parler cul, toi, ce soir? Attends, je m'occuperai de toi après au standard. Gérard, le débat porte. Pensez-vous que les maîtres. Le débat porte sur les agents de sécurité. Donc, s'il te plaît, on y va sérieusement. Non, parce que faut pas. Reprends tes esprits, on y va. Allez. Faut pas confondre, faut pas mélanger de cul, de travail. Oh là là, parce que là, on va plus s'en sortir. Donc, pensez-vous que pensez-vous que le métier de maître chien et d'agent de sécurité font les mêmes horaires? On va demander à Michel. Non. Les maîtres chiens, c'est plus tourné vers le soir. Bah, et les agents de sécurité, t'en as qui travaillent de nuit. Il y a des agents de sécu, comme on le disait tout à l'heure, à juste titre, qui travaillent dans des magasins, des grandes succursales, des grandes surfaces, qui travaillent la journée. Ouais, mais t'en as qui travaillent de nuit. Comme moi, je disais tout à l'heure pour mon cas. Mmh. Oh, bon. Mère Michel. À peu près pareil, hein. Jamais, non, mais on parle pas de cul, hein. Je te préviens tout de suite sur les questions, hein. Non, mais moi non plus, hein. Non, mais c'est ce que tu voulais savoir. Tu fais des débats terre à terre. T'inquiète pas, mère Michel. Pour le débat du SM, on va, tu as. Est-ce qu'il y aurait moyen que je sois là? Ah oui, de toute manière, on va garder ton number et puis on va s'occuper de ton matricule, ma petite. Ça me ferait bien plaisir que tu t'occupes de mon matricule. Ah bah, y a pas de problème. T'inquiète pas, je vais t'avoir en rentaine tout à l'heure, toi. Non, t'inquiète pas. On va retrouver ta chatte, t'inquiète. T'inquiète pas. Couper vos petites. Monsieur Mazur. Oh oui, enfin, c'est Monsieur Mazur. Je veux bien que Monsieur t'interrompre, mais on accueille quelqu'un. Oui. Bombe dactylogène. Quoi? Bombe dactylogène. Bonsoir. Du 117.7. Bonsoir. Bombe dactylogène. Bonsoir, bombe dactylogène. C'est qui pique les yeux. 117.7. Tout à fait, 117.7, mon moignon, 32 ans. Bonsoir. On s'en fout de ton âge et de la ville. C'est 117.7, c'est hop, terminé, basta. Hop. Allez. Monsieur Mazur. Écoutez, moi je dirais que les horaires des maîtres chiens et ceux des agents de sécurité sont légèrement décalés, n'est-ce pas? Parce que... Le portable! Allô? Le portable! Allô? Allô, merci. Oui, monsieur Mazur, j'écoute. Oui, je disais donc que leurs horaires sont légèrement décalés, ne serait-ce pour le maître chien, le temps d'aller promener son animal, de lui donner à manger. Donc, il est impossible d'avoir les mêmes horaires. Non, mais attendez, monsieur Mazur. Oui. Je crois que vous comprenez pas ce que je vous dis, là. Oui. Je vous demande s'ils font les mêmes horaires. Je vous demande pas s'il faut donner à bouffer au chien, s'il faut le sortir pisser. Non, je vous demande, est-ce que, pensez-vous que le métier de maître chien et de, d'agent de sécurité font les mêmes horaires? Je vous demande pas. Eh bien, justement, je vous réponds qu'ils ne font pas les mêmes horaires, qu'il y a un léger décalage entre leurs deux professions, puisque le maître chien doit s'occuper de son chien un peu plus longtemps. D'accord. Ah, bah, enfin! Ah bah punaise, on va y arriver avec vous, hein. Oui, c'est monsieur Mazur. Oui, ben ça on le sait que c'est monsieur Mazur qui répond aux questions. Dactylogène. Je sais pas si t'es un petit peu au fait des conventions collectives qui régissent un peu ce milieu, mais effectivement à la base ils ont les mêmes horaires, mais comme le disait monsieur Mazur, il y a eu une décharge horaire pour le canidé, quoi. Alors, je peux vous dire tout de suite que bah, vous êtes tous plantés, c'est que c'est non. Ils font pas du tout les mêmes horaires, oui, malheureusement. Oui, c'est ce que je disais, M. Gérard. Gérard, est-ce que je pourrais te poser une question qui sort un petit peu du débat? C'est qui? C'est Michel et Médor. Ouais, il a dit. J'aimerais savoir, tu as fait le test de Benjamin Castaldi sur M6? Hey, ouais. Michel. Ouais. T'as fait le test avec ta femme pour savoir si t'allais l'enculer ce soir? Gérard. Répartiman ce soir. Bravo, Olivier. Tu vas même aller y goûter tout de suite à l'enculer. Au revoir. Au revoir. Gérard sur le net. Yaourt Mystère me demande si les chiens sont soumis aussi à la loi des 35 heures. Non mais attends, tu peux répéter la question parce que je crois que mes euros n'ont pas compris. Puis de toute manière, t'as tellement bien articulé quand t'as pété que j'ai pas compris la question. Bon, tu sais, j'articule au moins aussi bien que toi alors. Gérard, est-ce que les chiens sont soumis aussi à la loi des 35 heures? Non. D'accord. Bah non, parce que vu que les maîtres c'est pareil, automatiquement je pense pas. Bon, Gérard, on va conclure. On va conclure parce que là, il y a l'animateur derrière qui s'impatiente. Il est là, l'animateur. Non, on va pas tarder là. Dernière question. Non, c'est bon, on fait la conclusion. Eh ben, on fait la conclusion, allons-y. C'est bon, là, il y en a assez. De toute manière, je savais bien, parce que de toute manière, vu, bah avant que les auditeurs fassent la conclusion, c'est moi qui va quand même parler un petit peu. C'est vrai qu'on a eu du mal à partir sur ce débat. Non, mais vous pouvez allumer les micros au standard. Au standard, parce que c'est pour vous que je vais m'adresser quand même. Donc c'est vrai qu'on a eu du mal à partir, mais là on était bien parti, donc c'est dommage. Mais bon, de toute manière, c'est vrai que le débat n'est pas terminé. Les prochaines questions qui restaient donc seront à mettre de côté. Donc on continuera de faire sur un prochain débat. Donc sur un débat 2 sur les agents de sécurité. Donc je peux tout de suite vous annoncer le thème du débat avant que la conclusion se fasse. Le prochain débat qui aura lieu, je ne sais pas quand, se portera sur la chirurgie esthétique. Chirurgie esthétique. D'accord. Donc, pour la conclusion, on va demander à Bombe Dactylogène. Bah écoute, ce fut un bon débat avec un animateur très médiocre. Bon, écoute, je sais pas. Moi, est-ce que tu serais éventuellement intéressé par reprendre un petit peu le métier d'agent de sécu? Parce que j'ai des places, gardien de cimetière ou agent de sécu dans une morgue. Si ça t'intéresse, tu me reprends au standard et on en discute. Tu sais ce que je vais te dire? Ouais, ta proposition, tu te la carres au cul. Ouais. Et si c'est un animateur de merde qui fait des débats, eh ben l'animateur de merde, tu sais ce qu'il te dit? Eh ben médiocre, de toute manière, moi je t'emmerde, je fais les débats comme je veux, et c'est tout. Si ça te plaît pas, le prochain coup tu restes chez toi, t'appelles pas, d'accord? En de bon entendeur, salut. Bonne nuit, au revoir. Monsieur Mazur. Oui, alors écoutez, monsieur Gérard, je n'ai qu'à vous remercier de nous avoir introduit dans les agents de sécurité. Je vous dirais que nous avons appris énormément de choses, que ces gens ne sont pas étroits par rapport à ce que l'on pourrait penser. Bref, pour conclure, une émission qui restera dans les annales. Non, mais c'est vrai qu'on a eu du mal à partir, mais là, une fois qu'on était bien parti. Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que au début, et puis après, ça va beaucoup mieux. Après, c'est bon, parce qu'il y a eu vous, il y a eu la mère Michel, et puis après, il y a eu quelques auditeurs qui ont quand même essayé de... Heureusement qu'on était là, monsieur. De remonter un peu la sauce. Absolument, madame Michel. Oui, nous étions là, oui, effectivement. Alors, mère Michel. Avant que je vibroute le minou en antenne. Bah, rien que cette idée, je raccroche tout de suite. Ça y est, l'autre. Bon, la conclusion. Eh bien, écoute, mon pote a pas osé le dire tout à l'heure, mais moi je le dis, animateur de merde, ça aurait pu être un bon débat. Faudrait que tu changes un peu le registre de tes questions. Donc là, je pense qu'on a fait le tour à peu près de tout ce que tu connais. Si ce n'est... Oh non, je vais pas le dire, ça va être méchant. On a dit. Donc, commence à faire des débats où tu connais pas le thème, comme ça les gens t'aideront à faire des questions et ça s'arrêtera d'être des questions cons. Ouais, ben alors je vais te dire une chose, ben dans ces cas-là, pour le débat sur la SN, t'iras te faire foutre. Ah, mais ma je grande. Pense que t'iras faire foutre bien profond toi aussi. Ouais, ben toi aussi, t'iras te faire sauter bien profond, au revoir, bonne nuit. Voilà. Pour finir sur l'internet. Gérard, alors pour finir, bah 9492. Donc pas les 10 000, hein. Non, mais pas mal quand même. Pas mal, ouais. Ouais. Pas loin. Quelques conclusions. Mister Cousin qui te dit les agents de sécu sont des grosses feignasses comme toi, Gérard. Ça, c'est plutôt lui qui est une grosse feignasse parce qu'il a pas arrêté de nous faire chier sur l'internet. Voilà. Une autre conclusion, celle de juge de Lyon qui dit en conclusion que les agents de sécu ont besoin d'une sacrée paire de couilles pour exercer, à l'inverse de Gérard qui est une sacrée couille sans père. Bah lui, il est aussi con que sa mère. Voilà, et puis une conclusion de anonyme. La sécu, c'est bien, en abuser, ça craint. De toute manière, ça veut dire qu'ils disent plutôt un verre, ça va, trois verres, bonjour les dégâts, c'est ça? Voilà, okay, j'ai compris. Ça doit être ça. Voilà, donc, qu'est-ce que j'ai à rajouter? Rien, à part que l'équipe ce soir, ça a été dur au départ, mais... Et on s'est bien rattrapé, hein. Ouais, mais il a fallu que je gueule. Bah oui, mais il a fallu que je gueule assez souvent. Mais c'est tellement bon quand tu gueules. Ouais, mais c'est pas bon pour ma santé aussi. Faut pas l'oublier. Ouais, mais moi aussi je suis malade. Parce que à force de gueuler, bientôt, moi je vais plus avoir de bois, je vais venir faire les débats comme ça. Bon, allez, vas-y, allez, cours. Donc, conclusion, bah voilà. Donc, le prochain thème des débats, on l'a dit. Chirurgie esthétique. Donc, c'est qui ce soir? Pour la nuit sans plus, la nuit. C'est Simon. C'est Simon. Donc moi je vous dis à bientôt, très bientôt. Et puis on va s'écouter pour terminer. Vigil Roger, Postum Gum. Et voilà, bonne nuit à tous.